quelques extraits de ce qu'écrivait Georges Lavelli en juillet dernier à propos de Mère Courage et ses enfants. La guerre, c'est bien le thème central, essentiel de cette pièce. La guerre, l'argent et l'amour maternel. Renouant pour Mère Courage avec un procédé hérité de la Renaissance, Brecht inscrit sa dramaturgie sur des schémas dramatiques et anecdotiques qu'il emprunte à d'autres, ici au XVIIe siècle, au roman de Grimmelshausen, à l'esprit de ses romans. Ce qui le frappe et l'intéresse le plus dans sa source pour redynamiser son propre projet narratif, c'est, comme dans les histoires de chevalerie espagnole de la même époque, la nature populaire des personnages, leurs astuces, leur humour, leur capacité inespérée à franchir les épreuves et à s'adapter aux situations, une manière de voir le monde. Un monde où vivre serait contourner les pièges, éviter les malheurs, développer ses propres dons de rouerie et de débrouillardise, manipuler les autres avec ruse, se préparer au pire dans l'espérance de ne jamais l'atteindre, prendre la vie comme elle vient et stocker une réserve appréciable de tonus, de goût et de plaisir à vivre quand bien même l'horreur règne alentour. Ainsi, ces personnages attendent l'occasion qui leur permette de s'en sortir, de trancher dans la monotonie de la détresse et d'éprouver enfin le sentiment d'exister. Ainsi, cette guerre de religion devient une tragédie populaire où les dieux ne sont pour rien. Brecht ne nous propose aucune issue. Il n'indique pas le bon chemin, pas plus qu'il ne condamne la guerre. Elle s'est à ce point incrustée dans les mœurs qu'elle est devenue la source même de la vie, des comportements, des raisonnements. La guerre crée l'angoisse de ne pouvoir vivre sans elle. Espace unique, sans règles, sans responsabilité, elle met entre parenthèses le droit et la raison. Qu'elle s'arrête artificiellement, le monde tourne à l'envers. Il marche sur la tête. Printemps 1624, en Dalécarlie, le grand capitaine Oxenstierna recrute des troupes pour la campagne de Pologne. À la cantinière Anna Ferling, connue sous le nom de Mère Courage, on enlève un fils. Comment voulez-vous recruter des soldats dans un endroit pareil ? Adjudant, par moment, je pense déjà au suicide. J'ai jusqu'au 12 pour amener 4 compagnies au grand capitaine. Et les gens de Paris s'y sont si pleins de rosseries, je ne dors plus la nuit. Pour finir, Jean Bénichin, j'ai fermé les yeux pour ne pas savoir s'il a un torse de poulet et des varices. Je l'ai saoulé, il a signé, je n'ai plus qu'à payer les schnapps. Il s'absente. Je vais à la porte derrière parce que je me doute de quelque chose. Exact ! Il est parti comme un pou sous l'ongle. Oh. Il n'y a pas de parole d'homme, pas de loyauté, ni de foi, pas de sens de l'honneur. C'est ici que j'ai perdu ma confiance dans l'humanité, adjudant. Ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu de guerre par ici. On le sent ! D'où viendrait la morale ? Hein ? La paix, c'est la pagaille, pas autre chose. Seule la guerre crée de l'ordre. En temps de paix, l'humanité monte en graine. On gaspille hommes et bêtes comme si c'était rien du tout. Chacun bouffe ce qu'il veut, un morceau de fromage sur du pain blanc, et puis encore une tranche de lard sur le fromage. Combien de jeunes gens et de bons bourrins est là, cette ville là-bas ? Personne ne le sait. On n'a jamais fait le compte. J'ai été dans des endroits où il n'y avait pas eu de guerre depuis peut-être 70 ans. Les gens n'avaient pas encore de nom. Ils ne se connaissaient pas eux-mêmes. Ah ! Ce n'est que là où est la guerre qu'il y a des listes et des archives en ordre. Que les chaussures sont mises en ballot et le blé en sac. Qu'on fait soigneusement le compte des hommes et du bétail pour les emmener. Parce qu'on sait bien, sans ordre, pas de guerre. C'est bien vrai, comme toutes les bonnes choses. La guerre est difficile à faire au début, mais une fois qu'elle est florissante, elle est coriace. Alors, les gens ont peur de la paix, comme les joueurs de dés ont peur de s'arrêter, parce qu'alors, ils doivent payer ce qu'ils ont perdu. Mais au début, ils ont peur de la guerre. C'est quelque chose de nouveau pour eux. Ça ne donne encore rien, je ne reste pas plus longtemps dans son abri, ça je te dis. Le feu des canons de Riga avec 50 miches de pain dans la carriole. Elles étaient déjà moisies, il était grand temps, j'avais pas le choix. Pas de blague, toi ! Ce sont les papiers ! Voilà tous mes papiers, adjudant. Là-dedans, il y a un missel complet pour l'emballage des cornichons. Et une carte de Moravie. Dieu sait si j'y serai un jour. Sans ça, elle est pour les souris. Et ici, c'est certifié que mon cheval blanc n'a pas la fièvre afteuse. Malheureusement, il nous a claqué dans les mains. Il avait coûté 15 florins. Mais pas à moi, Dieu merci. Ça suffit comme papier. Tu veux me traiter par-dessous la jambe? Je te ferai passer ton insolence. Tu sais que tu dois avoir une patente. Parlez-moi correctement. Et n'allez pas raconter à mes enfants qui sont pas encore grands que je vais vous traiter par-dessous la jambe. Ça se fait pas. Y a rien entre nous. Ma patente au 2e régiment, c'est mon visage honnête. Et si vous savez pas le lire, j'y peux rien. Je me laisserai pas mettre dessus une estampille. Adjudant, je flaire un esprit d'insubordination qui se dégage de cette personne. Alors pourquoi on a besoin de discipline? Je croyais que c'était de saucisse. Nom de famille. Anna Fierling. Alors, vous vous appelez tous Fierling. Pourquoi? Moi, je m'appelle Fierling, pas eux. J'ai tous des enfants de toi, je pense. Tous? Mais est-ce que c'est une raison pour qu'ils s'appellent tous pareil? Lui, par exemple, il s'appelle Elif Noyovski. Pourquoi? Parce que son père a toujours affirmé qu'il s'appelait Koyovski ou Moyovski. Le gamin se souvient encore bien de lui. Seulement c'est d'un autre qu'il se souvient. Un Français avec une barbe en pointe. Mais à part ça, il a hérité de l'intelligence du père. Capable de vous déculoter un paysan sans qu'il s'en aperçoive. C'est comme ça qu'on a tous un nom à nous. Quoi? Tous? Un autre? Vous faites comme si vous saviez pas ces choses-là. Alors lui, C'est un Chinois ? Pas du tout. Un Suisse. Après le Français. Après le Français. Je connais pas de Français. Mélangez pas tout. Sinon, on sera encore là ce soir. Un Suisse, mais qui s'appelle Feijers. Un nom qui n'a rien à voir avec son père. Lui, il s'appelait tout autrement. Il construisait des forteresses. Seulement, il buvait. Alors, comment il peut s'appeler Feijers ? Je veux pas vous offenser, mais c'est pas l'imagination qui vous étouffe. Bien sûr qu'il s'appelle Feijers. Parce que quand il est arrivé, j'étais avec un Hongrois. À qui c'était bien égal. Il avait le foie qui se ratatinait, bien qu'il n'ait jamais bu une goutte. Un homme très honnête. Le gamin tient de lui. C'était pas lui. Le père ? Mais c'est de lui qu'il tient. Je l'appelle Schwarz Sarkas. Celle-là, elle s'appelle Catherine Haupt. Elle est à moitié allemande. Une jolie famille, je dois dire. Oui. J'ai parcouru le monde entier avec ma carriole. Tout ça va être noté. Tu es de Bamberg, en Bavière. Qu'est-ce que tu viens faire par ici ? Tu peux pas attendre que la guerre se donne la peine de venir à Bamberg. Feriez mieux de vous appeler Jacob le Bœuf et Saül le Bœuf, puisque vous tirez la carriole. Vous ne quittez jamais la cage, probable. Mère, je peux lui cogner sur la gueule, je voudrais bien... Moi, je te défends, reste où tu es. Maintenant, messieurs les officiers, vous n'avez pas besoin d'un bon pistolet ou d'une boucle de ceinturon. La vôtre est déjà usée, monsieur l'adjudant. C'est d'autres choses que j'ai besoin. Parce que je vois, les gars sont bâtis comme des boulots. Ont du coffre. Fort du jarret. Pourquoi est-ce que ça veut couper au service militaire? J'aimerais le savoir. Rien à faire, adjudant, le métier des armes, c'est pas pour mes enfants. Mais pourquoi pas? Ça rapporte de l'argent. Et ça rapporte de la gloire. Bazarder des bottes, c'est une affaire de femme. Avance un peu, laisse-toi palper, pour voir si t'as des muscles ou si t'es une poule mouillée. Oh, c'est une poule mouillée. Quand on le regarde sévèrement, il est capable de s'évanouir. Et en même temps d'assommer un veau s'il y en avait un à côté de lui. Qui va le laisser tranquille, il n'est pas pour vous. Il m'a grossièrement offensé. Il a parlé de ma bouche comme d'une gueule. Alors on va aller tous les deux là-bas dans le champ, régler cette affaire entre hommes. T'en fais pas, mère, je me charge de lui. Reste tué, Vaurien, je te connais. Toujours la bagarre. Il a un couteau dans sa botte. Il s'en sert. Je vais le lui arracher comme une dent de lait. Allez, viens, petit gars. Monsieur l'adjudant, je le dirai au colonel. Il vous mettra au trou. Non. Le lieutenant, ah, un galant de la vie. Pas de violence, frère. Mais qu'est-ce que tu as contre le service militaire? Son père n'était pas soldat. Il n'est pas tombé honorablement. Tu l'as dit toi-même. C'est encore un enfant. Vous voulez me conduire à la boucherie, je vous connais. Vous toucherez 5 florins pour la peine. Et il touchera d'abord un beau calot et des boîtes à revers, non? Non, pas de toi. Viens, allons pêcher, dit le pêcheur au ver de terre. Va crier qu'ils veulent prendre ton frère. Ah, essaye donc de le prendre. Ah, je sais maintenant. Canaille, faire la guerre avec lui. Je vais vous apprendre, moi. Nous sommes des gens paisibles. Oui, ça se voit à ton couteau que vous êtes paisible. Tu devras avoir honte. Donne ce couteau, salope. Ah, c'est pas. Oh. Et tout à l'heure, tu l'as reconnu que tu vis de la guerre. Sinon, comment vivrais-tu? De quoi? Et comment y aurait la guerre s'il n'y avait pas de soldats? Pas forcé que ce soit les miens. Ah bon? Ta guerre boufferait le trognon et recracherait la poire. Ta niche et la guerre te l'engraisserait et on n'y paierait pas d'intérêt. À elle de voir comment se tirer l'affaire, hein? Tu t'appelles Courage, hein? Mmh. Et tu as peur de la guerre? Elle qui te donne ton pain? Tes fils n'en ont pas peur, eux. Ils me l'ont dit. J'ai pas peur de la guerre. Et pourquoi on aurait du peur? Regardez-moi. Est-ce que la vie militaire m'a pas réussi? J'y étais à 17 ans. T'en as pas encore 70. Bon, je peux attendre. Oui, sous terre, peut-être bien. Tu veux dire que je vais mourir? Mais si c'est la vérité, si je vois que t'es marqué... Si t'as l'air d'un cadavre en permission, hein? Elle a le don de double vue. Tout le monde le dit, elle prédit l'avenir. Alors prédit un peu l'avenir à l'adjudant. Ça se pourrait que ça l'amuse. J'y tiens pas. Donne ce casque. Ça a encore moins d'importance que de chier dans l'herbe. Juste pour que je rigole un coup. Elif, sois sans casque. Catherine, on pourrait tous être déchirés comme ça si on se laissait entraîner trop loin dans une guerre. Pour vous, je vais le faire gratis, exceptionnellement. Je dessine une croix noire sur ce billet. Noir et la mort. Et l'autre, elle le laisse en blanc, tu vois. Je l'ai pris. Et maintenant, je les secoue. Comme on est tous mélangés, dès le ventre maternel, et maintenant tu tires et t'es fixé. Ah. Je ne prends pas tout le monde, je les connais pour être difficile. Mais t'as une fougue qui brille. Idiotie ! Rien que de la poudre aux yeux ! Il a tiré une croix noire, il est foutu. Mais te laisse pas intimider. Le boulet de tout un chacun, il n'est pas fondu. Tu m'as couillonné. Tu t'es couillonné toi-même le jour où t'es devenu soldat. Et maintenant, on repart. C'est pas tous les jours la guerre, faut que je me dépêche. Je ne vais pas te laisser me rouler. Ton bâtard, on l'emmène. Il nous fera un soldat. Je voudrais bien, mais... Ferme-la, diable de finnois. Maintenant, je fais casse aussi. Il veut devenir soldat. Ça, c'est nouveau. Je vais être obligé de vous faire tirer au sort, à votre tour, tous les trois. On a dit contre nous qu'au camp suédois, on fait dans la dévotion, mais c'est de la calomnie, pour nous nuire. On ne chante que le dimanche, une strophe, et seulement s'il y en a un qui a une voix. Ils voudraient échapper à leur mère, ces démons, et aller à la guerre comme les veaux vont au sel. Mais je vais interroger les billets. Et alors ils verront bien que le monde n'est pas une vallée de délices avec des biens, fils. On a encore besoin de grands capitaines. Adjudant, j'ai pour eux les plus grandes appréhensions. Ils pourraient ne pas me réchapper de la guerre. Ils ont des qualités redoutables, tous les trois. Tiens, pêche-toi ton destin. Et voilà. Une croix. Mère infortunée, génitrice affligée que je suis, il va mourir. Il lui faut s'en aller dans la fleur de l'âge. S'il devient soldat, il lui faudra mordre l'herbe, c'est sûr. Il est trop audacieux, comme son père. Et s'il n'est pas malin, il y laissera sa peau. Ce billet le prouve. Est-ce que tu seras malin? Pourquoi pas? Être malin, c'est rester près de ta mère. Et s'il se moque de toi et te traite de poule mouillée, tu n'as qu'à rire. Si tu fais dans ta culotte, je me rabattrai sur ton frère. C'est du rire! Rie! Maintenant, à toi de pêcher, je fais en place. Avec toi, j'ai moins peur, t'es honnête. Bon. Pourquoi regardes-tu si bizarrement ce billet? Sûrement qu'il est blanc, c'est pas possible qu'il y ait une croix dessus. Je veux quand même pas te perdre, toi. Une croix. Lui aussi. Est-ce que ce serait parce qu'il est tellement simple? Oh, Schwarzenkasse, toi aussi tu vas disparaître si t'es pas tout à fait honnête tout le temps, comme je te l'ai appris dès ton plus jeune âge, et si tu me rapportes pas la monnaie du pain. C'est seulement comme ça que tu pourras te sauver. Regarde, adjudant, si c'est pas une croix noire. C'est une croix. Mais je comprends pas que moi, j'en ai tiré une. Je me tiens toujours à l'arrière. Ne cherche pas à tromper. Ça frappe aussi les siens. Ça me frappe aussi. Mais moi, je me le tiens pour dit. Maintenant, il ne me reste plus que toi, de sûr. T'es toi-même une croix, t'as bon cœur. Je pourrais presque désespérer, ça peut pas être ça. J'ai peut-être fait une erreur en mélangeant. Sois pas trop bonne, Catherine. Ne le sois plus jamais. Il y a aussi une croix sur ta route. Tiens-toi toujours bien tranquille. Ça sera pas difficile puisque t'es muette. Voilà. Maintenant, vous savez. Soyez tous prudents. Vous en avez besoin. Maintenant, montons et repartons. Fais quelque chose. Je me sens pas bien du tout. T'as peut-être déjà pris froid quand t'as retiré ton casque en plein vent. Embarque-la dans un marché. Ah, dis donc, tu pourrais au moins regarder la boucle de ceinturon. Ah, ces braves gens vivent du commerce, non? Et vous, l'adjudant veut acheter la boucle de ceinturon. un demi-florin. Ça vaut 2 florins, une bouteille comme ça. Elle n'est pas neuve. Faut que je l'examine tranquillement. Fin de ses vents, ici. Je sens pas de courant d'air. Elle vaut peut-être bien un demi-florin. C'est de l'argent. Ça fait bien 7 onces. Et après, on ira lever le coup d'entre hommes. J'ai l'argent de la prime sur moi. Viens. Alors, un demi-florin. J'y comprends rien. Je me tiens toujours à l'arrière. Quand t'es adjudant, un endroit plus sûr, il n'y en a pas. Tu peux envoyer les autres à l'avant, se couvrir de gloire. Ah, ça va saloper mon repas de midi. Je suis sûr que je pourrais pas avaler une bouchée. Faut pas prendre ça tellement à cœur que ça t'empêche de manger. Tiens-toi seulement à l'arrière. Prends une gorgée de schnapps, bonhomme. 10 florins tout de suite, et t'es un homme courageux. Et tu combats pour le roi, et les femmes se disputent pour toi. Et moi, t'as le droit de me casser la gueule parce que je t'ai offensé. Tout de suite, Latrine, tout de suite. Monsieur l'adjudant, on est en train de payer. Je me méfie de toutes les monnaies, j'étais échaudé, adjudant. Mais cette pièce est bonne. Ouais, Elif. Il est parti avec le recruteur. Espèce de simplet! Je sais que tu peux pas parler, c'est pas de ta faute. À toi de prendre une gorgée, la mère. C'est comme ça. Soldat, c'est pas ce qu'il y a de pire. Tu veux vivre de la guerre, mais tu veux rester à l'écart, toi et les tiens. Hein? Maintenant, faut que tu tiens avec ton frère, Catherine. Vouloir vivre de la guerre ne va pas s'en payer cher. Au cours des années 1625 et 1626, Mercourage traverse la Pologne avec le train des armées suédoises. Devant la forteresse de Warlow, elle retrouve son fils. Heureuse vente d'un chapon et grand jour pour le fils audacieux. $60 pour un si misérable volatile. Un misérable volatile, ce bestiau. Bien gras. Un grand capitaine qui se goinfe à s'en faire péter le ceinturon. Garde-vous, si vous n'avez rien pour midi. Il pourrait pas payer 60 petits liards. Pour ça? Dès comme ça, j'en trouve une douzaine pour 10 liards en tournant le coin. Quoi? Un chapon comme ça? Vous voulez en trouver un en tournant le coin quand c'est le siège? Et donc une famine à vous en faire crever la couenne? Vous trouverez peut-être un mulot, je dis peut-être. Parce qu'ils ont été bouffés. Ils sont mis à sac aux trousses d'un mulot famélique pendant une demi-journée. 50 liards pour un gigantesque chapon en temps de siège. Nous, on n'est pas assiégés, c'est les autres. Nous, on est les assiégeants. Faut vous mettre ça dans la tête une bonne fois. Mais nous non plus, on n'a rien à bouffer. Même moins que ceux qui sont dans la ville. C'est qu'ils ont tout embarqué. Chez eux, c'est l'orgie, à ce qu'on m'a dit. Mais nous, j'étais chez les paysans, ils n'ont rien. Bah, ils ont de quoi? Ils le cachent. Ils n'ont pas de quoi. Ils sont ruinés. Voilà ce qu'ils ont. Ils dansent devant le buffet. J'en ai vu qui, de faim, déterrent les racines. Qui se régale d'un ceinturon bouilli. On en est là. Et moi, j'ai un chapon. Je devrais le vendre 40 liards. 30. Oh. Pas 40, j'ai dit 30. Hey, c'est pas un chapon ordinaire. C'était un bestiau si doué, à ce qu'on m'a dit, qui bouffait seulement quand on lui jouait de la musique. Il avait un air favori. Ça avait compté, tellement il était intelligent. Et 40 liards, ce serait trop. Le grand capitaine vous arrachera la tête s'il n'y a rien sur la table. Vous voyez ce que je fais? J'ai là un morceau de bœuf. Oh. Je vais le faire rôtir. Je vous laisse un dernier délai de réflexion. Faites-le donc rôtir, il est l'année dernière. Donc, il est d'hier soir. Hier soir, le bœuf se baladait encore, je l'ai vu de mes propres yeux. Alors il devait déjà puer sur pied. S'il le faut, je vais le faire cuire pendant 5 heures. Je verrai bien s'il est encore dur. Prenez beaucoup de poivre, que monsieur le grand capitaine sente pas la puanteur. Eh bien, mon fils, amène-toi chez ton grand capitaine. Et assieds-toi à ma droite, car tu as accompli un exploit en pieux cavalier que tu es. Et c'est pour Dieu que tu as fait ce que tu as fait dans une guerre de religion. Je te manifesterai ma reconnaissance avec un bracelet d'or dès que j'aurai la ville. Nous sommes venus sauver leurs âmes, et qu'est-ce qu'ils font? Cochons de paysans insolents et crasseux qu'ils sont, nous éloigner leur bétail. Leur curé, au contraire, ils les gavent par devant et par derrière, hein? Et tu leur as appris à vivre. Tiens, je te verse un coup de rouge. Tous les deux, on va vider ça à cul sec. L'aumônier aura ce qui reste, hein? Il est pieux. Et qu'est-ce que tu veux pour midi, mon cœur? Un bon bout de viande, pourquoi pas? Cuisinier! De la viande! Et par-dessus le marché, il se ramène avec des invités quand il n'y a rien. C'est chiner sur des paysans, ça donne faim! Jésus! C'est mon Élif! Qui? Mon fils aîné! Deux ans que j'ai perdu de vue, on me l'a pris sur la route! Oh! Et il faut qu'il soit bien en cours pour que le grand capitaine l'invite à manger! Et qu'est-ce que t'as à manger? Rien. T'as entendu ce que l'invité aimerait manger? De la viande. Un bon conseil. Prends tout de suite le chapon. Il coûte un florin. À manger? Non, mange sur le cuisinier ou je t'assomme. Donne, bon Dieu, espèce exploiteuse. Je croyais que c'était un misérable volatile. Il est misérable. Donne-le. C'est une escroquerie, 50 liens. Je dis un florin. Pour mon fils aîné. Le cher invité de monsieur le grand capitaine, rien ne me paraît trop cher. Au moins plume-le, le temps que je fasse un feu. Quelle tête il va faire quand il me paiera? Lui, c'est mon fils audacieux et malin. J'en ai encore un, bête, mais qui est honnête. La fille, y a rien. Au moins, elle parle pas. C'est déjà quelque chose. Bois encore un coup, mon fils. C'est mon falerne préféré. J'en ai plus qu'un tonneau ou deux maximum. Mais ça vaut ça, quand je vois qu'il y a encore de la vraie religion dans mon armée. Et le berger des âmes reste là, à regarder, parce qu'il se contente de prêcher, hein? Comment on doit s'y prendre, il ne sait pas. Et maintenant, Élif, fils, rapporte-nous plus en détail avec quelle adresse tu as manœuvré ces paysans et capturé les 20 bœufs. Espérons qu'ils seront bientôt là, hein? Dans un ou deux jours, maximum. C'est gentil de la part de mon Élif de me ramener les bœufs que demain, sans ça, vous n'auriez plus du tout honoré mon chapon, hein? Donc, ça s'est passé comme ça. Les bœufs qu'ils cachaient. J'ai appris que les paysans les déplaçaient en douce, surtout la nuit, vers un certain bois. C'est là que ceux de la ville venaient les chercher. J'ai laissé tranquillement les paysans ramener leurs bœufs. Mais Jean, je leur ai donné envie de cette viande. Deux jours durant, j'ai encore diminué leur maigre ration pour que l'eau leur vienne à la gueule. Ah, c'était malin de ta part. Peut-être. Le reste a été un jeu d'enfant. À part que les paysans avaient des gourdins. Ils étaient trois fois aussi nombreux que nous. Et ont lancé une attaque meurtrière contre nous. Quatre m'ont poussé dans un fourré et ils m'ont fait sauter l'épée de la main. Et ils ont crié « Rends-toi !» Je me suis dit, quoi faire? Ils vont me transformer en chair à pâté. T'as fait quoi? J'ai ri. Quoi? Ri. Alors ça a tourné la discussion. Je me mets tout de suite à marchander. Je dis 20 florins pour les bœufs, c'est trop pour moi. J'en offre 15, comme si je voulais payer. Ils sont épatés. Ils se grattent la tête. Aussitôt, je me baisse pour prendre mon épée et je les taille en pièces. Nécessité n'a pas le droit, non? Qu'est-ce que tu dis de ça, berger des âmes? À strictement parler, la phrase n'est pas dans la Bible. Mais notre Seigneur a su faire, comme par magie, de 5 petits pains, 500 petits pains, alors qu'il n'y avait pas nécessité. Seulement, comme on était rassasiés, il a pu demander qu'on aime son prochain. De nos jours, c'est différent. Tout à fait différent. Tu auras tout de même un verre. Pharisien. Tu les as taillés en pièces. Ça, c'est bien. Comme ça, mes braves auront un bon petit morceau à se mettre sous la dent. N'est-il pas dit, dans l'écriture, ce que tu as fait au plus humble de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Et qu'est-ce que tu leur as fait? Tu leur as fourni un bon repas de viande de bœuf. Aussitôt, je me baisse pour prendre mon épée. Et je les taille en pièces. À l'étoffe d'un jeune César. Tu devrais voir le roi. Je l'ai vu. De loin. Il a quelque chose de lumineux. J'aimerais le prendre en exemple. Ah, tu as déjà quelque chose de lui. Un soldat comme toi, Elif. Un soldat courageux. Je l'estime. Un comme ça, je le traite comme mon propre fils. Tiens, et toi une idée de la situation? Elif, il y a encore beaucoup à faire. Ça doit être un lamentable grand capitaine. Ah, qui se goinfre. Mais pourquoi lamentable? Parce qu'il a besoin de soldats courageux, c'est pour ça. S'il savait faire un bon plan de campagne, pourquoi aurait-il besoin de soldats si courageux? Des ordinaires suffiraient. Et puis quand on trouve quelque part de si grandes vertus, ça prouve qu'il y a quelque chose de pourri. Je croyais que ça prouve qu'il y a quelque chose de bon. Non! Dans un bon pays, pas besoin de vertus. Tout le monde peut être tout à fait ordinaire, moyennement intelligent et même lâche. Je parie que ton père était un soldat. Un grand, à ce qu'on m'a dit. C'est pour ça que ma mère m'a mis en garde. Je connais une chanson là-dessus. Chante-la-nous! Ça vient! Sors pas! Elle s'appelle La chanson de la femme et du soldat. Les canons cassent les os, les mousquets trouent à peau, et le fleuve englouti qui le passe. L'eau de glace te guette, sois prudent, n'y va pas, disait la femme au soldat. Mais le soldat, armé jusque aux dents, écoute le tambour et part en riant. Marcher, ce n'est pas la mer à boire. Marcher, ce n'est pas la mer à boire. Car, on se balade vers le sud, on se balade vers le nord, et sous le feu des canons, et sous le feu des canons, on saura feinter la mort. Disent à la femme les soldats. Il y a du regret, il y a du remords. Pour qui joue l'esprit fort, en se moquant du conseil des gens sages. Si tu vas comme un fou, le malheur est au bout. Disait la femme aux soldats. Hey hey hey. Qu'est-ce que c'est? La chaleur s'est envolée, comme au vent la fumée. Tes exploits ne me la rendront pas. Fumée dissipée, Dieu vous garde dans son ciel, disait la femme au soldat. Son mousquet sur le dos fait un trou dans la glace et roule au fond de l'eau. Et que dire à la femme, les soldats, il a passé comme fumée. Sa chaleur l'a quitté, ses exploits ne la lui rendront pas. Il y a du regret, il y a du remords pour qui joue l'esprit fort. Disait la femme au soldat. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Enfin, je te retrouve. Et ils s'en permettent des choses aujourd'hui, hein? Où sont les autres? Heureux, comme des poissons dans l'eau. Chasseur Casse est devenu trésorier au deuxième finnois. Moi, comme ça, il n'aura pas l'occasion de se battre. J'ai pas pu le tenir tout à fait à l'écart. Comment vont tes pieds? Eh ben, le matin, j'ai du mal à entrer dans ma chaussure. Ainsi tu es la mère? J'espère que tu as pour moi d'autres fiches comme celui-là. J'en ai de la chance. Tu as entendu comment distingue ton fils? Ouais, j'ai entendu. C'est parce que j'ai volé les bœufs? Non! Parce que tu t'es pas rendu quand les quatre sont tombés dessus pour te mettre en bouillie. Je t'ai pas appris à faire attention à toi. Diable de finnois! Trois ans plus tard, Mercourage se retrouve en captivité avec les restes d'un régiment finnois. Sa fille pourra être sauvée, ainsi que sa carriole, mais son fils honnête va mourir. Je vous donne ces balles pour deux florins. C'est bon marché. J'ai besoin de cet argent, parce que le colonel se saoule depuis deux jours avec les officiers. Et il n'y a plus de liqueur. Ce sont des munitions de l'armée. Si on les trouve chez moi, je passe en cour martial. Vous vendez ces balles, canailles, et l'armée n'a pas de quoi tirer devant l'ennemi. Ne soyez pas si sévère. La main droite ignore ce que fait la main gauche. On parle bien de l'armée. Pas à ce prix-là. Vous pourrez les vendre. 5 florins. Et même 8. Dès ce soir, en toute discrétion, à l'intendant du 4e, si vous lui signez un reçu de 12 florins, il n'a plus du tout de munitions. Pourquoi faites-vous pas ça vous-même? Parce que je me méfie de lui. Nous sommes amis. Donne. Porte ça derrière et paie-lui 1 florin et demi. Deux. Je dis 1 florin et demi. Tiens, reprends tes caleçons. Fais-y bien attention. On est en octobre et l'automne peut venir. C'est exprès que je dis pas « doit venir ». Car j'ai appris qu'il n'y a rien qui doit arriver, comme on croit. Même pas les saisons. Mais la caisse de ton régiment doit être juste, elle. Quoi qu'il arrive. Elle est juste, ta caisse? Oui, mère. N'oublie pas qu'ils ont fait de toi un trésorier parce que t'es honnête. Et pas parce que tu seras audacieux, comme ton frère. Mais surtout parce que t'es si simplet que l'idée te viendrait sûrement pas de filer avec, hein. Pas toi. Ça me tranquillise, vraiment. Et me perds pas ces caleçons. Non, mère, je les mettrai sous le matelas. Mais... je vais avec toi, trésorier. Ne prenez pas vos trucs. Tu pourrais tout de même saluer, intendant. J'aime pas les voir ensemble. C'est pas une fréquentation pour mon chasseur Casse. La guerre se présente pas mal. Jusqu'à ce que tous les pays s'y mettent, elle peut durer 4 ou 5 ans, comme à rien. Un peu de nez et pas d'imprudence, et je fais de bonnes affaires. Tu sais pas qu'avec ta maladie, tu dois pas boire le matin? Mais qui dit que je suis malade? C'est une calomnie! Tout le monde le dit. Parce que tout le monde ment! Mère Courage. Je suis complètement désespérée. À cause de ces mensonges, tout le monde prend le large, comme si j'étais un poisson pourri. Bien quoi bon, arranger encore mon chapeau. C'est pour ça que je bois le matin. Je l'avais jamais fait. Ça donne des pas de doigts. Mais maintenant, tout est sans importance. Au deuxième finnois, tout le monde me connaît. J'aurais dû rester à la maison quand mon premier m'a trompé. La fierté, c'est pas pour nous autres. Faut savoir avaler n'importe quoi. Sans ça, on descend la pente. Surtout, recommence pas avec ton Peter devant ma fille innocente et comment tout ça s'est passé. Mais justement, tiens, il faut qu'elle l'entende. Comme ça, elle s'endurcira contre l'amour. Il n'y en a aucune qui s'endurcit. Dis pas, alors je le raconte, parce que ça me soulage. C'est comme ça que ça commence. J'ai grandi dans la belle Flandre, sans ça je ne l'aurais pas rencontrée. Et je ne serais pas maintenant ici, en Pologne. car c'était un cuisinier de l'armée, un Hollandais, blond, mais maigre. Catherine, méfie-toi des maigres. Mais ça, en ce temps-là, je le savais pas, moi non plus. Et déjà, dans ce temps-là, il en avait une autre. Mais d'ailleurs, on l'appelait déjà Peter, la pipe. Parce qu'il ôtait même pas sa pipe du bec en faisant ça, tellement c'était pour lui accessoire. J'avais 16 ans, à peine, quand les deux vivaient chez nous. Il a mis sa dague dans sa gaine et n'a dit que des mots très doux. Quand la nuit est tombée, c'était la nuit de mai, tambour battait, clairon sonnait. Avec lui prendre un peu l'air. Et si vous le pourrez toujours, Si vous vous conduisez correctement, même sans ça, je viendrai bien à bout de vous. Qu'est-ce qu'il veut, Elif? J'ai pas d'argent de reste. À vrai dire, c'est au frère, à monsieur le trésorier, que je vais transmettre quelque chose. Il n'est plus ici, ailleurs non plus, c'est pas le trésorier de son frère. Elif ne doit pas le tenter et se servir de sa malice contre lui. Donnez-lui ça, c'est un péché. Il spécule sur l'amour maternel, il devrait avoir honte. Plus longtemps. Après, il doit partir avec le régiment, qui sait, peut-être vers la mort. Vous pourriez ajouter encore quelque chose ou ensuite vous le regretterez. Vous, les femmes, vous êtes dures, mais ensuite vous regrettez. Un petit verre d'eau de vie en son temps, ça n'aurait pas compté, mais on ne l'a pas donné. Et qui sait? Après, il y en a un qui repose sous le gazon. Et vous pouvez plus le déterrer. Ne devenez pas sentimental, cuisinier. Mourir dans cette guerre, c'est une grâce, pas un malheur. Pourquoi? C'est une guerre de religion. Pas une ordinaire, mais une spéciale. Que l'on fait pour la foi. Et qui ainsi plaît à Dieu. C'est juste. Dans un sens, c'est une guerre. Parce qu'on y rançonne, égorge et pille, sans oublier qu'on y viole un peu, mais différente de toutes les autres guerres, du fait que c'est une guerre sainte. Ça, c'est clair. Et donne soif aussi, reconnaissez-le. J'ai essayé de l'empêcher de venir, mais il a dit que vous l'aviez séduit. Il rêve de vous. Oh, simplement de recevoir d'une belle main un verre d'eau de vie, rien de plus. Mais je suis déjà assez accablé parce que l'aumônier a raconté telle blague tout au long du chemin. Est-ce que je dois être encore tout rouge? Mais on habite, prêtre. Je vais être obligé de vous donner à boire ou par ennui, vous allez me faire une proposition malhonnête. Oh, voilà une tentation, dit l'aumônier du roi. Il y succomba. Et qui est cette séduisante personne? C'est pas une séduisante, mais une honnête personne. Les Polonais, ici, en Pologne, n'auraient pas dû s'en mêler. C'est vrai que notre roi est entré chez eux avec chevaux, hommes et équipages, mais au lieu de maintenir la paix, les Polonais se sont mêlés de leurs propres affaires et ont attaqué le roi. Alors qu'ils passaient, tout tranquillement. Ils se sont donc rendus coupables d'une violation de paix. Et tout le sang retombe sur leur tête. Mais notre roi n'avait en vue que la paix. L'empereur les avait tous asservis, les Polonais comme les Allemands. Il a fallu que le roi les libère. Ah, je vois ça comme ça. Votre eau de vie est remarquable. Je ne me suis pas trompé sur votre mine. Mais comme nous parlons du roi, la liberté qu'il a voulu introduire en Allemagne lui a coûté assez cher au roi. D'abord, il a voulu protéger juste la Pologne des méchants de gens, et surtout de l'empereur, mais après, l'appétit est venu en mangeant. Hein? Et il a protégé toute l'Allemagne, et elle s'est pas mal rebellée, l'Allemagne. Résultat, le bon roi n'a retiré que des ennuis de sa bonté et de ses dépenses. Il avait une chose pour lui, la parole de Dieu. C'était déjà ça. Car autrement, on aurait encore dit qu'il faisait ça pour son propre compte, et parce qu'il voulait réaliser des bénéfices. Et puis comme ça, il a toujours eu bonne conscience. Pour lui, c'était le principal. On voit bien que vous n'êtes pas suédois. Vous parleriez autrement de notre Gustave Adolphe. Après tout, vous mangez son pain. Oh, je ne mange pas son pain. Mais je le lui cuis. Il peut pas être vaincu. Pourquoi? Parce que ces gens croient en lui. Quand on entend parler des gros bonnets, ils disent qu'ils font la guerre que par crainte de Dieu, pour tout ce qui est beau et bien. Mais quand on y regarde de plus près, ils sont pas si bêtes. Ils font la guerre pour le profit. Ah, autrement, les petits gens comme moi seraient pas davantage dans le coup. Hein. Ça. Bon, de toute façon, comme Hollandais, vous feriez bien de regarder le drapeau qui flotte ici, avant d'exprimer une opinion en Pologne. Ici, rien que de bon protestant, en tout cas. Santé. Ce n'est pas piste. Une attaque surprise. On ne sait pas si on pourra filer. Enlève ce canon. Faut d'abord que j'enlève mon linge. Bande de brutes. Il faut que j'aille chez le grand capitaine. Courage, je reviendrai bavarder un peu dès que j'aurai le temps. Votre pipe. Gardez-la moi, il me la faut. Juste comme on commençait à gagner un peu. Oui, alors, j'ai plus qu'à partir aussi. Heureux les pacifiques, c'est ce qu'on dit en temps de guerre. Seulement, j'avais un manteau. Je ne prête pas de manteau. Même s'il va d'une fille. J'ai fait une mauvaise expérience. Oui, mais je suis particulièrement exposé à cause de ma religion. Oh ! Je fais ça contre ma meilleure conscience. Allez, filez. Merci beaucoup, c'est généreux de votre part. Écoutez, écoutez. Il est peut-être préférable que je reste ici. Pour éveiller les soupçons si on voit en train de courir. Mais laisse-le où il est, espèce d'âme. Qui te paiera? Moi, je te garde. Et toi, il va de ta vie. Hein. Je vais essayer. Vous pouvez témoigner. Je le jure. Qu'est-ce que tu fais avec ce chapeau de putain? Tu vas m'enlever ce couvercle? T'es folle? Maintenant que l'ennemi arrive, tu veux qu'il te trouve attifé comme ça et qu'il fasse de toi une putain? Elle a enfilé les chaussures, cette babylonienne, abat les chaussures. Aide-moi, monsieur le meunier, qu'elle se fasse à cette histoire de chaussures. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'on dit? Les catholiques arrivent? Où est mon chapeau? Oh, qui l'a piétiné? Je peux pourtant pas me promener comme ça si les catholiques arrivent. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Puis j'ai pas le miroir. De quoi j'ai l'air? Trop de poudre? Juste ce qu'il faut. Et où sont les chaussures rouges? Je les avais laissées ici. Je vais être obligée d'aller pieds nus jusqu'à ma tante. C'est un scandale. C'est la tante. Qu'est-ce que tu trimbales là? La caisse du régiment. Mais jette-la. Ça s'est détrésoriérisé. On me l'a confié. Oh. Mais dépouille ta robe, aumônier. Sans ça, ils sauront qui tu es, malgré l'habit. Bouge pas, bon, un peu de grâce, et t'es tranquille. Quel malheur, oh. Les sentinelles étaient encore souches. On dit que sa lampe, faut la mettre sous le boisson. Hein. Un soldat, surtout un catholique, et un visage propre, et du coup, on a la putain. Ils reçoivent rien à bouffer, malgré le pillage. Résultat, ils jettent sur les donzelles. Hein. Bon, maintenant ça doit aller. Fais voir, pas mal. Comme si tu t'étais roulé dans la crasse. Tremble. Oh. Comme ça, il peut rien t'arriver. T'as rangé la caisse. Ouais. Je me suis dit, je la mets dans la carriole. Pas dans ma carriole. Dieu punit une bêtise comme ça. Pour une fois que j'ai le dos tourné, ils vont me pendre tous les trois. Alors, je vais la mettre ailleurs, ou je me sauve avec. Tu restes ici, c'est trop tard. Pour l'amour du ciel. Quoi? Le drapeau. Oh. Un matin, trois jours plus tard. Ça fait déjà trois jours que je traîne ici. Et monsieur l'adjudant, qui a toujours été indulgent pour moi, doit commencer à demander où est donc Schweizer Cass et la cassette de la solde. Sois heureux qu'il n'ait pas retrouvé ta trace. Qu'est-ce que je devrais dire, moi? Je peux même pas faire mes dévotions, ou ça pourrait aller mal. Il est dit, celui dont le cœur est plein, la gueule qui déborde. Et malheur si c'est la mienne qui déborde. C'est ça, j'en ai deux sur le dos, un avec une religion, un autre avec une cassette. Je sais pas ce qui est le plus dangereux. C'est que nous voici dans la main de Dieu. Oh, on n'est déjà pas perdu à ce point, je crois pas. Mais quand même, je dors pas la nuit. S'il n'y avait pas toi, je fasse un cas, ce serait plus facile. Je crois que je me suis bien prise. Je leur ai dit que j'étais contre l'antéchrist, le Suédois qui porte des cornes, et que je l'ai vu, la corne de gauche était un peu usée. Ils m'ont pas cru tout à fait, mais ils n'ont pas de cantinière au régiment, alors ils ont fermé les yeux. Hein. Peut-être même que ça finira bien. On est prisonniers, mais comme le pou dans la fourrure. Hein. Le lait est bon. Ah! Ah, pour ce qui est des quantités, il va bien falloir maintenant que nous modérions un peu nos appétits suédois. C'est que nous sommes vaincus. Qui est vaincu? En fait, les victoires et les défaites des gros bonnets en haut et celles des gens d'en bas collent pas toujours à beaucoup près. Il y a même des cas où pour les gens d'en bas, la défaite est en réalité un gain. L'honneur est perdu, mais rien d'autre. Hein. Je me rappelle un jour, en Livonie, notre grand capitaine s'est fait mettre par l'ennemi une telle volée que dans la confusion, j'ai même hérité du cheval blanc. Il m'a tiré la carriole pendant 7 mois, jusqu'à ce qu'on ait gagné et qu'il y ait une inspection. Pour nous, la meilleure chose, c'est quand la politique n'avance pas. Mange ! Ça ne me dit rien ! L'adjudant, comment il va payer la solde ? Dans la fuite, on ne paie pas de solde. Si ! Ils y ont droit ! Sans solde, ils ne sont pas obligés de fuir ! Ils ne sont pas forcés de mettre un pied devant l'autre ! J'assure, tes scrupules me font presque peur. Je t'ai appris que tu dois être honnête car t'es pas malin, mais ça a des limites. Bon, maintenant, je vais aller avec l'aumônier acheter un drapeau catholique et de la viande. De la viande. Personne ne sait la choisir comme lui. Aussi sûrement qu'en plein somnambulisme. Je crois que ce qui lui fait repérer le bon petit morceau, c'est que l'eau lui vient machinalement à la bouche. Comme disait le moine mendiant, un jour où les luthériens allaient tout chambarder. Des mendiants, il en faudra toujours. Et ça fait quand même du souci pour la cassette. Jusqu'ici, nous sommes passés inaperçus, comme si nous étions tous de la carriole. Mais ça va durer combien de temps? Je peux la faire disparaître! Non, ce serait presque encore plus dangereux. Si quelqu'un me voit! Ils ont des mouchards! Hier matin, il y en a un qui a surgi du fossé devant moi pendant que je faisais mes besoins. Je prends peur. J'arrive tout juste à retenir une prière jaculatoire. Ça m'aurait trahi. Je crois bien que c'est encore à la merde qu'ils aiment le mieux flairer si c'est un protestant. Les mouchards étaient une sorte de petit crevé avec un bandeau sur l'aile. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé? Mes chaussures rouges à talons d'hiver. Elle les a froidement raflées. Parce que vous lui avez dit dans la tête qu'elle était une personne séduisante. Je vais les rendre. Voler mes chaussures d'hiver. Elle va à sa ruine pour de l'argent, ça je comprends. Mais toi, tu voudrais le faire pour rien, pour le plaisir. Je te l'ai dit, il faut que tu attendes la paix. Surtout pas de soldats. Attends la paix. Pense qu'elle te fait à la fière. Oh, je trouve pas qu'elle fasse la fière. Encore trop. Quand elle est comme une pierre dans le paysage. Et que les gens disent, on la voit pas du tout, l'infirme. C'est comme ça que je l'aime le mieux. Tant que ce sera comme ça, pourra rien lui arriver. Toi, laisse la cassette où elle est, t'entends? Et surveille ta sœur. Elle en a besoin. Finirai par m'enterrer, hein. Plutôt garder un sac de puce. Beaucoup de jours où on pourra s'asseoir au soleil en manche de chemise. Oui. Les feuilles sont déjà jaunes. Je ne bois pas! Je réfléchis! Elle dit qu'elle ne dort pas. Je devrais quand même emmener la cassette. J'ai trouvé une cachette. Va me chercher quand même un verre. Je vais la mettre dans le trou de taupe au bord du fleuve jusqu'à ce que je la reprenne. J'irai peut-être déjà la reprendre cette nuit au petit matin pour la porter au régiment. En 3 jours, est-ce qu'ils ont pu fuir bien loin? On en fera des yeux, l'adjudant. Tu m'as déçu en bien, Schweizerkass, il va dire. Je te confie la caisse et tu la rapportes. Bonjour à vous, chère mademoiselle. Avez-vous vu par ici un homme du deuxième finnois? Qu'est-ce que c'est que ces singeries? Tu t'es cogné l'œil? Je ne te comprends pas. Mais il faut que je parte. Je l'ai décidé, c'est ce qu'il y a de mieux. J'aimerais bien savoir ce que tu veux dire. Sûrement que ça part chez toi d'un bon sentiment. Pauvre bête. Tu peux pas parler. Qu'est-ce que ça peut bien faire si t'as renversé l'onde vie? Je boirai encore plus d'un verre, j'en suis pas un frère. Je reviens tout de suite. On ne me retient pas, sans ça je me fâche. Bien sûr que ça part chez toi d'un bon sentiment. Si tu pouvais parler... Raconte posément, Catherine. Ta mère te comprend. Quoi, il a emporté la cassette? Prends ton temps. Bafouille pas. Serre-toi de tes mains. J'aime pas quand tu jappes comme un chien. Qu'est-ce que va penser l'aumônier? C'est un borgne qui était là? Le borgne est un mouchard! Ils ont pris Schweiss sur caisse. On est foutus. Ici, le nouveau drapeau. Ici, on est bon catholique, en tout cas. Lâchez-moi. Mais rien sur moi. Ne me déboîtez pas l'omoplate. Je suis innocent. Il est d'ici. Vous vous connaissez. Mais où tout ça? Je ne la connais pas. Dieu sait qui c'est. Je n'ai rien à voir avec eux. J'ai acheté ici mon manger de midi. Ça a coûté 10 liards. Possible que vous m'avez vu assis là. En plus, c'était trop salé! Qui êtes-vous? Hein? On est des gens comme il faut, c'est vrai. Il a acheté de pas manger ici, pour lui, c'était trop salé. Vous voudriez faire comme si vous le connaissiez pas? Comment je le connaîtrais? Je le connais pas tous. Je demande à personne comment il s'appelle, et s'il est un païen, s'il paye, c'est pas un païen. Et tu es un païen? Pas du tout! Il est resté assis posément, il a pas ouvert le bec, sauf quand il a mangé. Là, il pouvait pas faire autrement. Et toi? Qui es-tu? C'est rien que mon verre à boire. Et vous avez sûrement soif. Si vous cherchez un verre d'eau de vie, vous êtes sûrement dépêché et chauffé. Pas d'eau de vie pour mon service. Tu as emporté quelque chose? Tu as dû me cacher au bord du fleuve. La tunique te faisait une bosse comme ça quand t'es parti d'ici. C'était vraiment lui! Je crois que vous voulez parler d'un autre. J'en ai vu un qui s'est lancé avec la tunique, qui se bosselait. Je ne suis pas le bon! Moi aussi, je crois que c'est un malentendu. Ça peut arriver. Je m'y connais en individu. Je suis la courage. Vous en avez entendu parler, tout le monde me connaît. Et je vous le dis, il a l'air honnête. On est après la caisse du deuxième finnois. Et on sait de quoi il a l'air, celui qui l'a en dépôt. On le cherche depuis 2 jours. C'est toi! C'est pas moi! Et si tu l'envoies pas tout de suite, t'es foutu, ça tu le sais. Où allez? Il l'a donné. C'est sans ça, il était foutu. Il dirait tout de suite, je l'ai. La voilà. Vous êtes les plus forts, il est pas bête. À ce point, parle donc. Pas tant que tu es. Monsieur l'adjudant te donne une chance. Puisque je l'ai pas! Alors viens. On va tirer ça au clair. Il le dirait. Il est pas bête. À ce point. Hé! Hey, ne déboîtez pas l'omoplate! Le même soir. Dès qu'à pareil, on se fait passer. On en trouve dans l'histoire de la religion. Je songe à la passion de notre Seigneur et Sauveur. Il y a là-dessus une vieille chanson. Au matin du vendredi, Jésus fut en hâte, emmené comme un bandit devant le païen Pilate. Il le déclare innocent, pur de toute faute, et le livre incontinent devant le grand roi Hérode. À 3 heures fut flagellé en pleine poitrine, et son front fut couronné d'un dur collier d'épines. À 6 heures, on l'a cloué tout nu sur la planche, et son sang pur a coulé, plaignait ses grandes souffrances. À 9 heures, Jésus cria: Dieu, tu me délaisses! De sa bouche, on approcha une éponge de vinaigre. Alors il en dit: Esprit, le voile du temple par le milieu se fendit, tandis que la terre tremble. Un soldat dans le soir, d'un coup de sa lance, perçant le flanc du Seigneur, lui fit une plaie immense. De la plaie jaillit le sang, mêlé à l'eau claire. Et voici comment fut traité le Fils de l'homme. C'est une question de vie ou de mort. Mais il paraît qu'on peut s'entendre avec l'adjudant. Seulement, nous ne devons pas laisser voir que c'est notre cheval Sorcas, sans ça, nous serons ses complices. C'est qu'une question d'argent. Et l'argent, où le prendre? Il n'était pas venu. Je l'ai rencontré en chemin. Elle a déjà mis le grappin sur un colonel, peut-être qu'il lui achètera un commerce de cantinière. Mais vous voulez vraiment vendre? Où est-ce que je prendrai l'argent pour l'adjudant? Vous voulez vivre de quoi? Oui, c'est bien ça. Ah, cher courage! Qui aurait dit qu'on se reverrait si vite? Il n'est pas contre. C'est mon bon ami qui me conseille en affaires. Faut dire que j'ai appris par hasard que vous vouliez vendre votre carriole à cause des circonstances. Je serais tentée. La mettre en gage. Pas la vendre. Surtout pas de précipitation. Une carriole comme ça, en temps de guerre, j'en trouverai pas une autre facilement. Seulement, en mise en gage, je croyais qu'elle était à vendre. Dans ce cas, je sais pas si ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait dans ma vie, cher. Elle sera seulement mise en gage. Je croyais qu'il vous fallait cet argent. Il me faut cet argent. Mais je préfère me rentrer les jambes dans le corps à courir après une offre que de vendre tout de suite. Pourquoi? Parce que nous vivons de la carriole. C'est une occasion pour toi, Yvette. Qui sait, quand tu en retrouveras une autre pareille, et quand tu auras un cher ami pour te conseiller. C'est bien ça? Oui. Mon ami pense que je devrais sauter sur l'occasion. Mais moi, je ne sais pas. Si elle est seulement mise en gage. Tu penses bien, toi aussi, qu'on devrait acheter tout de suite. Je le pense aussi. Alors, il faut que tu choisisses quelque chose qui soit à vendre. Tu as peut-être trouvé, si tu prends le temps, et si ton ami se balade avec toi, disons, une semaine ou deux, tu pourrais trouver ce qui te convient. Ah, mais alors nous allons chercher. Ah, moi, j'aime me balader pour me choisir quelque chose. J'aime me balader avec toi, comme dit. C'est un vrai plaisir, non? Et même si ça doit durer 2 semaines. Quand on voulez-vous rembourser si on vous donne l'argent? Je veux rembourser en 2 semaines. Peut-être en une. J'arrive pas à me décider. Paul dit, chérie, conseille-moi. Je sais qu'elle est forcée de vendre. Là-dessus, je suis tranquille. Et l'enseigne, le blond, tu le connais? Ben, il veut bien me prêter l'argent. Il est fou de moi, il dit que je lui rappelle quelqu'un. Qu'est-ce que tu me conseilles? Je te mets en garde contre lui. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Il en profitera. Je t'ai dit que je t'achetais quelque chose, n'est-ce pas, mon lapin? Ah oui, oui, mais de toi, je peux pas l'accepter. Enfin, bien sûr, si tu penses que l'enseigne pourrait en profiter, Paul dit, de toi, je l'accepte. C'est ce que je pense. Tu me le conseilles? Je te le conseille. Mon ami me le conseillerait. Alors faites-moi un reçu, et que la carriole est à moi, quand les 2 semaines seront passées, avec tout ce qui va avec. On va vérifier ça tout de suite, puis les 200 florins, je les apporterai plus tard. Bon, alors il faut que tu partes au camp avant moi. Oh. Allez, je te suis. Moi, il faut que je vérifie tout pour que rien ne disparaisse de ma carriole. Mais des bottes, il n'y en a pas beaucoup. Yvette, c'est pas le moment de vérifier ta carriole si c'est la tienne. Tu m'as promis de parler à l'adjudant au sujet de cheval sur casse. Il n'y a pas une minute à perdre. On m'a dit qu'il passait dans 1 heure devant le conseil de guerre. Je veux juste encore compter les chemises de l'un. Baisse deuxième. Il s'agit de cheval sur casse. Et pas un monstre qui a fait l'offre. Pour l'amour de Dieu, fais comme si c'était ton très cher. Sans ça, on est tous foutus parce qu'on l'a aidé. Mais j'ai donné rendez-vous au borgne dans le petit bois. Sûrement qu'il y est déjà. Pas besoin que ce soit les 200 tout de suite. Va jusqu'à 150, ça suffira bien. C'est votre argent. Je vous demanderai de ne pas vous mêler de ça, vous l'aurez, votre soupe à l'oignon. Cours et reste pas à marchander. Il y va du pire. Je ne voudrais pas me mêler de si vous regardez, mais nous allons vivre de quoi? Vous avez sur les bras une fille incapable de travailler. Je compte sur la caisse du régiment. Espèce de monsieur, je sais tout. Ils vont tout de même bien lui payer des frais. Mais est-ce qu'elle va s'y prendre comme il faut? Elle a bien l'intérêt à ce que je dépense ces 200 florins et à ce que la carriole lui revienne. Elle la guigne. Qui sait pendant combien de temps son colonel va tenir le coup. Catherine, astique les couteaux, prendre la poudre à poncer. Vous non plus, restez pas là. Plantez comme Jésus au mont des Oliviers. Remuez-vous, lavez les verres. Je pense qu'ils vont nous le rendre. Dieu merci, on peut les acheter. Ce sont quand même pas des loups, mais des hommes, et ils aiment l'argent. La vénalité est aux hommes ce que la charité est au bon Dieu. La vénalité est notre seul espoir. Tant qu'elle sera là, il y aura des verdicts indulgents et même l'innocent pourra s'en tirer au tribunal. Il marche que pour 200. Et il faut que ça aille vite, ils ne garderont plus longtemps le contrôle. Le mieux, c'est que j'aille tout de suite chez mon colonel avec le borgne. Schweizerkass a avoué qu'il avait eu la cassette, ils lui ont mis les poussettes. Mais il l'a jeté dans le fleuve quand il a remarqué qu'ils étaient à ses trousses. La cassette est fichue. Faut-il que je cours chercher l'argent chez mon colonel? La cassette est fichue? Alors comment je vais récupérer mes 200? Ah, vous avez cru que vous pourriez tirer ça de la cassette? Alors j'aurais été joliment roulée. Vous n'avez plus d'illusions à vous faire. Il faudra bien payer si vous voulez revoir Schweizerkass. Ou alors peut-être que je dois laisser tomber toute l'affaire pour que vous gardiez votre carriole. Ne m'attendez pas à ça, t'as pas besoin de me harceler. Tu l'auras, ta carriole. Elle est déjà perdue, je l'ai eu 17 ans. Faut juste que je réfléchisse une seconde. Ça arrive un peu vite. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas donner les 200. T'as quand même dû faire baisser le prix. Il faut que je me cramponne à quelque chose sans ça. Le premier venu peut me culbuter dans le fossé. Va dire que je donne 120 florins ou ça se fera pas. Même comme ça, je perds la carriole. Mais ils marcheront pas. De toute façon, le borgne est pressé et n'arrête pas de regarder derrière lui tellement il est agité. Est-ce que je ferais pas mieux de donner les 200? Je peux pas les donner. J'ai travaillé 30 ans. Celle-là, elle a déjà 25 ans et pas encore de mari. Elle aussi, je l'ai. N'insiste pas, je sais ce que je fais. Dis 120, ou ça se fera pas. C'est vous qui savez. Cassez pas les verres, ils sont plus à nous. Bon, regarde ce que tu fais, tu vas te couper. Chasseur Casse va revenir. J'irai jusqu'à 200, s'il faut. Tu l'auras, ton frère. À 80 florins, on pourra bourrer une hotte de marchandises et repartir à zéro. On fait partout la cuisine avec de l'eau. Il est dit, le Seigneur nous viendra en aide. Essuyez-les. Il marche pas. Je vous avais prévenu. Le borgne a voulu partir parce que ça valait pas la peine. Il a dit qu'il s'attendait à entendre les tambours d'une minute à l'autre. Alors le verdict aura été prononcé. J'ai proposé 150. Il a même pas haussé les épaules. Il a eu un mal fou à rester là, le temps que je vous parle, encore une fois. Dis que je donne les 200. Courant. Je crois bien que j'ai marchandé trop longtemps. Et a gardé votre carriole. Il a reçu 11 balles, c'est tout. Vous méritez pas que je m'occupe encore de vous. Mais en passant, j'ai appris qu'il croyait pas que la cassette était vraiment dans le fleuve. Il soupçonne qu'elle est ici, et aussi que vous étiez en rapport avec Schweizerkass. Ils veulent la porter ici. Ah, au cas où vous vous trahiriez quand vous le verrez. Je vous préviens, vous le connaissez pas. Sans ça, vous y passez tous. Ils sont juste derrière moi, j'aime mieux le dire tout de suite. Est-ce que je dois éloigner Catherine? Elle sait peut-être qu'elle n'a pas entendu les tambours ou pas compris. Elle sait! Va la chercher! En voilà un qui on ne sait pas le nom. Mais il faut qu'on le note pour que tout marche en ordre. Il a pris un repas chez toi. Regarde-le bien. Si tu le connais. Tu le connais? Quoi? Tu l'as jamais vu avant qu'il prenne un repas chez toi? Enlevez-le. Mettez-le à la voirie. Il n'y a personne qui le connaît. Devant une tente d'officier, Mère Courage chante la chanson de la grande capitulation. Je vous connais. Vous aviez chez vous un trésorier des protestants qui se cachait. Faudrait mieux ne pas vous plaindre. Si je me plains, je suis innocente. Si je laisse faire, ce sera comme si j'avais mauvaise conscience. Ils m'ont tout déchiré à coups de sable dans la carriole. Et exiger 5 thalers d'amende pour toi, Farium. Pour votre bien, je vous conseille de la fermer. On n'a pas beaucoup de cantinières, et on vous laisse votre commerce. Surtout si vous avez mauvaise conscience, et si vous payez, de temps en temps, une amende. Je me plains. Comme vous voulez. Alors attendez que le capitaine ait le temps. Oh. Oh, oh. Vous, la madone, où est ce damné chien, capitaine, qui me pique les pourboires pour les dépenser en boisson avec ses garces? Il faut le foutre en l'air! Ferme-la! On va te mettre au fer! Sors de là, voleur! Je vais te frotter les coquettes! Piquer la prime! Après que j'ai nagé dans le fleuve, le seul de toute la compagnie! Résultat, je peux même pas me payer une bière! Je me laisserai pas marcher sur les pieds! Sors de là! Que je te coupe en morceaux! Marie-Joseph, ça va mal tourner! Ils vont pas payer pour boire! Lâche-moi! Je vais te nettoyer, toi aussi! Ça va être la grande lessive! Il a sauvé le canasson du colonel! Et parti pour boire! Il est encore jeune, et il n'y a pas assez longtemps qu'il est dans le coup. Lâche-le, c'est pas un chien qu'il faut mettre à la chaîne. Vouloir du pourboire, c'est tout à fait raisonnable. Sans savoir pourquoi il se distinguerait. pour que lui, il se saoule là-dedans. Vous êtes que des enfoirés. J'ai fait quelque chose de spécial. Et je veux mon pourboire. Jeune homme, c'est pas moi qu'il faut engueuler. Ceux qui gueulent comme ça ne font pas longtemps, une demi-heure, il n'y a plus qu'à chanter pour qu'ils dorment. Tellement ils sont épuisés. Je suis pas épuisé. Pas question de dormir, j'ai faim. Lui, mon pourboire, il le dépense en putain. Et moi, j'ai faim. Il faut le foutre en l'air. Vous avez faim. Je comprends que vous fassiez une colère. J'admets pas ça. Taisez-vous. Je porte pas la justice. Là, vous avez raison. Mais pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Vous supportez pas l'injustice, une heure ou deux? Vous voyez, ça, vous l'êtes pas demandé, alors que c'est le principal. Pourquoi? Parce que dans les fers, ça serait une misère si vous découvrez que vous supportez tout d'un coup l'injustice. Je sais pas pourquoi je vous écoute. Donc la madone. Où est le capitaine? Vous m'écoutez parce que ce que je vous dis, vous le savez déjà, votre colère est déjà tombée. C'était rien qu'une colère courte. Il vous en fallait une longue. Mais d'où qu'elle viendrait? Est-ce que vous voulez dire que quand j'exige le pourboire, c'est pas juste? Au contraire, je dis seulement que votre colère n'est pas assez longue. Vous n'arrivez à rien avec elle. Dommage. Vous avez tout à fait raison. C'est qu'une lubie. Bon ben, je vais bien voir si je le coupe en morceaux. S'il arrive, je le coupe en morceaux. Fixe. Le capitaine arrive tout de suite. Assis. Il est déjà assis. Vous voyez, qu'est-ce que je disais? Vous vous êtes déjà assis. Ouais. Ils s'y connaissent pour ce qui est de nous. Et ils savent comment nous manœuvrer. Assis, et nous voilà assis. Et quand on est assis, il n'y a pas de révolte. Ne vous relevez pas, ça vaut mieux. Vous ne tiendrez plus comme vous vous teniez avant. Faut pas vous gêner devant moi. Je vaux pas mieux. Pour ça, non. Toute notre énergie, ils nous l'ont achetée. Je vais vous dire quelque chose de la grande capitulation. Voilà ce que je me disais dans la fleur de ma jeunesse. Toi, ma fille, t'es pas pareil aux autres. Pas une simple vachère. T'as de l'allure et du talent, t'as de l'ambition. Des cheveux dans ma soupe. Ça, j'en voulais pas pour rien au monde. Je voulais pas être la bonne à tout faire. Tout ou rien. Le premier venu jamais. Comme on fait son lit, on se couche. Personne me fera la loi. Le pinson dans la cour siffle, cause toujours. Avant que la nuit soit écoulée, tu marcheras avec la clé. Sur ton petit clairon, mets-toi dans le ton. Une, deux. Dans le rang, l'homme propose, Dieu dispose. Tout ça, c'est du flan. Avant qu'une année se soit écoulée, j'ai appris à ravaler ma bile. Deux enfants sur les bras, hein, au prix qu'est le pain et tous les frais qu'on a. Ils m'ont éduqué, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. J'étais sur le cul, j'en pouvais plus, je demandais grâce. Faut prendre les gens comme ils sont. La main gauche ignore ce que fait la main droite. On passe pas par le trou d'une aiguille. Le pinson dans la cour siffle, cause toujours. L'année n'est pas encore passée. La v'là qui marche avec la clé. Elle joue déjà de son petit clairon. Elle se met dans le ton. Une, deux. Tout le monde dans le rang. L'homme propose, Dieu dispose. Tout ça, c'est du flan. J'en ai vu beaucoup monter à l'assaut du ciel. Nulle étoile n'est assez belle, n'est assez loin. Travaillez, prenez de la peine. Quand on veut, on peut. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. ils ont tant rimé, tant remué le ciel et la terre, qu'à la fin, ils ne pouvaient plus remuer leur pauvre carcasse. Selon ta bourse, gouverne ta bouche, le pinson dans la cour siffle, cause toujours. Avant que l'année soit écoulée, les vlaques marchent avec la clé. Ils jouent déjà de l'anticléron, ils se mettent dans le ton. Une, deux. Tout dans le rang, l'homme propose, Dieu dispose. Tout ça c'est du flan. C'est pour ça que je pense, tu ne dois pas rester là. Si ta colère est assez grande, car t'as un bon fond, je le reconnais. Mais si ta colère est une colère courte, pars tout de suite, ça vaut mieux. Va te faire foutre. Vite! Le capitaine est arrivé. Maintenant, vous pouvez vous plaindre. J'ai changé d'avis. Je me plains pas. Deux années se sont écoulées. La guerre couvre de plus en plus de territoires. La carriole de Courage traverse sans relâche la Pologne, la Moravie, la Bavière, l'Italie et de nouveau la Bavière. 1631, la victoire de Tilly à Magdebourg coûte 4 chemises d'officier à Mère Courage. Je veux mon schnapps ! Tu ne peux pas payer ! Pas d'argent, pas de schnapps ! Se mettre à faire des marches triomphales, mais la somme, il la paie pas ! J'ai arrivé trop tard ! Au pillage de la ville, avec le capitaine nous a baisé. Il a donné qu'une heure pour le pillage de la ville. Il a dit qu'il n'était pas un monstre. Eh ben la ville a dû l'acheter. Il y en a encore dans la ferme. La famille du paysan. Quelqu'un m'aide. J'ai besoin de toile. J'en ai pas. J'ai vendu tous mes bandages au régiment. Je vais pas déchirer mes chemises d'officier pour cela. J'ai dit que j'ai besoin de toile. Je donne rien, cela, paie pas, pourquoi? Parce qu'ils m'ont rien. Pourquoi êtes-vous resté sous le feu du canon? Le métal. Cela, pour laisser quelque chose. Mais maintenant, c'est à moi de faire les frais. Je marche pas. Mais ce sont des protestants. Pourquoi faut-il qu'ils soient protestants? Ils s'en moquent de ta religion. Ils ont perdu leur ferme. Ils sont pas du tout protestants, ils sont catholiques comme nous. Mais dans les bombardements, on peut pas fignoler. Mon bras est fichu. Où est la toile? Je peux rien donner. Avec toutes ces taxes, droits de douane, redevances, pot de vin. T'as perdu la tête? Lâche ça! Sans ça, je te mettre une tartine! Crampon! Je donne rien! Je prends pas un faux que! Je pense à moi! Justice! Anne lui fera pièce! Je vais ruiner! Mon petit est encore dedans! Non! Reste couché! Là. On va bien arriver à tirer de là! Retenez-la! Le toit peut s'effondrer! Ne tourne plus! Bousillez pas! Ma toile qui coûte cher! T'as encore eu la chance de trouver un nourrisson à trimballer! Donne-le tout de suite! Sans ça, j'aurai encore à me battre pendant des heures jusqu'à ce que je te l'ai arraché! Fais pas ces yeux-là! Va plutôt leur dire d'arrêter cette musique! Je le vois d'ici qu'ils ont vaincu! J'y perds toujours à vos victoires! Le sang traverse! La voilà, assise et heureuse dans toute cette misère. Rends-le tout de suite. Sa mère revient déjà à elle. Merde, tu veux continuer à vaincre? Animal, paye-le! J'ai rien! Ce manteau, n'importe comment, il est volé. Il y a encore quelqu'un là-dessous! Thank you. devant la ville d'Ingolstadt, en Bavière. Courage assiste à l'enterrement du grand capitaine d'Empire, Tilly, qui vient d'être tué. Discussion qui porte sur les héros et la durée de la guerre. L'aumônier déplore que ses talents soient inemployés et Catherine la Muette reçoit les chaussures rouges. On est en l'an de grâce 1632. Maintenant, le cortège funèbre s'ébranle. Dommage pour le grand capitaine. Catherine, 22 paires de chaussettes qui soient tombées. On dit que c'est un accident. Il y avait du brouillard sur les champs à cause de ça. Le grand capitaine a encore crié à un régiment qu'il devait combattre jusqu'à la mort et il a tourné le bride dans le brouillard. Il s'est trompé de direction. Résultat, il a été vers l'avant. Il a écopé d'une balle au beau milieu de la bataille. Plus que quatre lampes tempêtes, là. Une honte que vous vouliez couper à l'enterrement votre défunt grand capitaine. On n'aurait pas dû payer la solde avant l'enterrement. Maintenant, il se saoule au lieu d'aller à l'enterrement. Vous n'êtes pas tenu d'y aller ? J'ai pu y couper à cause de la pluie. Oh, pour vous, c'est autre chose. La pluie pourrait vous abîmer l'uniforme. On dit que, bien sûr, ils ont voulu faire sonner les cloches pour son enterrement, mais alors on s'est rendu compte que les églises avaient été emportées par la mitraille sur ses ordres. Résultat, le pauvre grand capitaine n'entendra pas de cloche quand ils le descendront dans le trou. À la place, ils veulent tirer trois coups de canon pour que ce soit pas trop miteux. 17 ceinturons. Service, une autre vie. Sur l'argent d'abord. Non, vous passerez pas avec vos sales bottes. Vous pouvez boire dehors, hein. Pluie ou pas pluie. Hé, je laisse passer que les gradés. J'ai entendu dire que ces derniers temps, le grand capitaine avait des soucis. Au 2e régiment, il y aurait eu des troupes parce qu'il ne payait pas de solde. Mais il disait que c'est une guerre de religion qui devait la lui faire pour rien. Maintenant, il défile devant le noble cadavre. Vous ne pensez pas que la guerre pourrait finir ? Parce que le grand capitaine est mort ! Ah, ça n'est pas péril. Mais comme ça, on en trouve des douzaines. Il y a toujours des héros. Dites, je ne vous pose pas cette question seulement pour le plaisir, mais parce que je me demande si je dois acheter des fournitures qu'en ce moment on peut avoir à bas prix. Mais si la guerre va finir, alors je pourrais les jeter. Ouais, il y a toujours des gens qui s'en vont dire partout un jour la guerre s'arrêtera. Moi, je dis, il n'est pas dit que la guerre s'arrête un jour. Bien sûr, il peut se produire un petit temps mort. Elle n'est pas à l'abri de ça, la guerre. Évidemment, sur cette terre, il n'y a rien de parfait nulle part. Mais dans sa détresse, les empereurs, les rois et le pape lui viendront en aide. Elle a donc rien de sérieux à craindre, en gros. Et elle a devant elle une longue vie. Pour son empereur. En double, aujourd'hui, c'est la fête. Si je pouvais vous faire confiance. Mais réfléchissez, qu'est-ce qui pourrait être contre la guerre ? Olivier de femme, hâte-toi. Le dragon n'a qu'une heure. Il se bat pour son empereur. Il se bat pour son empereur. Et la paix, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Eh, oh ! Je suis de Bohême, et j'aimerais rentrer à l'occasion. Tiens, vous aimeriez ? Oui ! Ah oh, oui, la paix ! Qu'est-ce que devient le trou quand le gruyère est bouffé ? Sous ton vie, camarade, attends-toi, le dragon n'a qu'une heure. Il se bat pour son empereur. Il se bat pour son... Maintenant ! à la longue, sans paix, on ne peut pas vivre. La guerre satisfait tous les besoins, même les besoins pacifiques. On y a veillé. Sans quoi, elle pourrait pas se maintenir. Tu peux chier pendant la guerre aussi bien qu'au plus fort de la paix. Et entre deux combats, il y a de la bière. Et même au cours de la marche, tu peux faire un petit somme sur un coude dans le fossé. C'est toujours possible. Et qu'est-ce qui t'empêche de te multiplier au beau milieu de toute cette boucherie? Dans une grange, d'autre part, à la longue. Impossible de t'en empêcher. Et alors la guerre, elle a tes rejetons. Et elle peut pousser plus loin avec eux. Non! La guerre trouve toujours une solution, c'est bien le moins. Pourquoi voulez-vous qu'elle finisse? Alors, je les achète, ces fournitures, je m'en remets à vous. Jésus, c'est vrai, elle attend la paix. Je lui ai promis qu'à la paix, elle aura un mari. J'ai gagné, parce que vous avez parlé. À vous de payer. Sois raisonnable. La guerre va durer encore un peu, et on fera encore un peu d'argent. La paix n'en sera que plus belle. Va à la ville. C'est à moins de 10 minutes. Prendre les affaires au lion d'or. Celles qui ont le plus de valeur. Les autres, on les prendra plus tard avec la carriole. Tout est réglé. Monsieur le secrétaire du régiment t'accompagne. Il peut donc rien t'arriver. Fais au mieux. Ne te laisse rien voler. Pense à ta dot. Vous pouvez la laisser aller avec le secrétaire? Elle n'est pas si jolie que quelqu'un ait envie de l'abîmer. J'ai souvent admiré cette façon que vous avez de mener votre commerce et de toujours vous en tirer. On se comprend qu'on vous ait appelé Courage. Les pauvres ont besoin de courage. Et rien que parce qu'ils se lèvent au petit matin, ou parce qu'ils labourent un champ, et en temps de guerre, rien que parce qu'ils mettent des enfants au monde, ça montre qu'ils ont du courage, car ils n'ont aucun espoir. Qu'ils supportent un empereur et un pape, c'est faire preuve d'un courage monstrueux. Car ces gens-là leur coûtent la vie. Vous pourriez faire un peu de petit bois. À vrai dire, je suis chargé d'âme et pas bûcheron. Mais moi, j'ai pas d'âme, par contre, j'ai besoin de bois de chauffage. Qu'est-ce que c'est que ce boule-gueule? Juste une pipe. Non, non, non, pas juste une. Une bien précise. Ah bon? C'est le brûle-gueule du cuisinier du régiment d'Oxenstern. Si vous le savez, alors pourquoi vous le demandez si sournoisement? Parce que je ne sais pas si vous avez conscience du fait que c'est précisément celle-là que vous fumez. Et pourquoi ce ne serait pas comme ça? Parce que c'est pas comme ça. Vous la fumez consciemment. Et si c'était ça? Courage, je vous mets en garde. C'est mon devoir. Vous avez peu de chance de revoir ce monsieur, mais c'est pas dommage. C'est heureux pour vous. Il m'a pas fait l'impression de quelqu'un de sûr, au contraire. Ah bon? C'était quelqu'un de bien. Ah bon? C'est ce que vous appelez quelqu'un de bien? Moi pas. Je suis loin de lui vouloir du mal, mais il n'est pas ce que j'appelle quelqu'un de bien. Plutôt un don Juan. Un roué. Regardez cette pipe, si vous me croyez pas, il faut bien reconnaître qu'elle en dit long sur son caractère. Je vois rien, elle est usée. Oh, alors elle a été en partie maçonnée. Un violent. C'est le brûle-gueule d'un violent, sans scrupule. Mais vous le voyez à ça, si vous n'avez pas encore perdu tout discernement. Ne me fendez pas mon billot. Non, non, je vous ai dit que je ne suis pas bûcheron de mon métier. J'ai étudié pour être chargé d'armes. Si mes dons et mes capacités sont gaspillés au travail manuel. Mes talents que je dois à Dieu ne vont absolument pas s'exprimer. C'est un péché. Vous ne m'avez pas entendu prêcher. Rien qu'avec une homélie, je peux mettre un régiment dans une telle humeur qui prend l'ennemi pour un troupeau de moutons. Leur vie leur apparaît comme une vieille chaussette russe puante qu'ils jettent. en pensant à la victoire finale. Dieu m'a accordé le don de l'éloquence. Je presse à vous en faire perdre l'ouïe et la vue. J'aimerais pas du tout perdre l'ouïe et la vue, qu'est-ce que je ferais? Courage, je me suis souvent demandé si, derrière votre franc-parler, vous faisiez pas tout pour cacher une nature chaleureuse. Vous êtes un être humain, vous aussi, vous avez besoin de chaleur. Le meilleur moyen, si on veut arriver à chauffer, c'est d'avoir assez de bois de chauffage. Non, sérieusement, Courage. Je me demande parfois comment ce serait si nous donnions nos rapports un tour un peu plus étroit. Je veux dire, après que le tourbillon des temps de guerre nous ait si étrangement fait tourbillonner ensemble. Je pense qu'ils sont suffisamment étroits. Je vous prépare vos repas et vous, vous occupez par exemple du bois de chauffage. Non, vous savez ce que j'entends par plus étroit. Ce ne sont pas des rapports faits de repas, de bois de chauffage ou de basse nécessité de ce genre. Laissez parler votre cœur. Ne vous endurcissez pas. N'avancez pas sur moi avec une hache. Ces rapports-là seraient pour moi trop étroits. Non, tournez pas ça en ridicule. Je suis quelqu'un de sérieux. Et j'ai réfléchi à ce que je dis. On me niait. Oh. Soyez pas bête. Vous m'êtes sympathique, je ne vais pas être forcé de vous laver la tête. Ce que je cherche, c'est à m'en sortir, moi et mes enfants, avec ma carriole. Et maintenant, j'ai pas la tête à penser à des histoires privées. Je cours un risque en faisant des achats juste au moment où le grand capitaine est tombé et où tout le monde parle de la paix. Où irez-vous si je suis ruiné? Vous voyez, vous ne savez pas. Vous coupez-nous ce bois de chauffage, on aura chaud le soir, c'est déjà beaucoup par les temps qui courent. Qui c'est que ça? T'as été attaqué? En revenant, elle a été attaquée. En revenant. Je parais que c'est le cavalier qui s'est saoulé chez moi. J'aurais jamais dû te laisser aller. Jette tout ça. C'est pas grave. La blessure est juste une plaie. Je vais te faire un pansement, et dans une semaine, c'est guéri. Ils sont pires que des bêtes. Ne leur faites pas de reproches, chez eux, ils violent pas. Les fautifs sont ceux qui poussent à la guerre et mettent tout en dessous. Le secrétaire t'a pas raccompagné. C'est parce que t'es une personne convenable, alors ils s'en font pas. La blessure est pas du tout profonde. Ça laissera pas de traces. Bon. Maintenant, le pansement est fait. T'as quelque chose. T'inquiète pas. Je t'ai gardé quelque chose en cachette. Tu vas voir. Ah, tu vois. Tu les as toujours voulu. Et maintenant, tu les as. Mets-les vite, que je regrette pas. Ça laissera pas de traces. Quoique, ça m'aurait rien fait. Le sort de celle qui leur plaise, c'est ce qu'il y a de pire. Il est trimballe jusqu'à ce qu'elle soit fichue. Il laisse vivre qui leur plaît pas. C'est comme pour les arbres. Ceux qui sont droits et élancés, on les abat pour en faire des poutres. Ceux qui sont tordus peuvent jouir de la vie. Tout compte fait, c'est peut-être une chance. Les chaussures sont encore bonnes. Je les ai graissées pour les garder. Qu'elle ne soit pas défigurée. Il restera une cicatrice. Elle a plus besoin d'attendre la paix. Elle ne s'est pas laissée prendre les affaires. Mais... J'aurais peut-être pas dû lui mettre ça dans la tête. Si je savais à quoi ça ressemble dans sa tête. Une fois, elle n'est pas rentrée de la nuit, rien qu'une fois, pendant toutes ces années. Après, elle a fait comme avant, mais elle a travaillé plus dur. Ce qui lui était arrivé, j'ai pas pu tirer ça au clair. J'ai creusé la tête pendant quelque temps. Ça, c'est la guerre ! Une belle source de profit ! Maintenant, ils enterrent le grand capitaine, c'est un moment historique ! Ils ont cogné sur l'œil de ma fille. Pour moi, c'est ça. Un moment historique. Elle est déjà à moitié fichue. Elle ne trouvera plus jamais un mari, elle, qui en plus raffole tellement des enfants. Si elle est muette, c'est seulement à cause de la guerre. Quand elle était petite, un soldat lui a... fourrer quelque chose dans la bouche. Je sors gaz, je ne verrai plus. Dieu sait, toi, Elif, la guerre doit être maudite. Mère Courage au fait de sa carrière commerciale. N'arriverait pas à me dégoûter de la guerre. On dit qu'elle détruit les faibles. Mes fichus le sont aussi pendant la paix. Seulement la guerre nourrit mieux ces gens. Le roi de Suède, Gustave Adolphe, tombe à la bataille de Lützen. La paix menace de ruiner le commerce de Mère Courage. Le fils audacieux de Courage accomplit un exploit de trop et trouve une fin honteuse. marché toute la nuit. 20 lieues. Il faut qu'on s'en retourne aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de vos plumes à literie? Les gens n'ont pas de maison. Attendez, on va les voir. Oh. Ici non plus. Il n'y a rien à faire. Viens. Alors, ils nous hypothéqueront le toit sur la tête pour les impôts. Peut-être qu'elle donnera 3 florins si t'ajoutes la petite croix. Écoute, mère. La paix! Le roi de Suède a été tué! Qu'est-ce que c'est que ces cloches au milieu de la semaine? Qu'est-ce qu'il crie? Je ne dis pas que la paix a éclaté alors que je viens d'acheter une nouvelle fourniture. Ouais, la paix! Depuis 3 semaines, il paraît, mais on ne l'avait pas dit! Autrement, pourquoi faut-il sonner des cloches? Tout un tas de luthériens sont déjà arrivés en ville avec des chariots. C'est eux qui ont apporté la nouvelle! Mère, c'est la paix! Qu'est-ce que t'as? Marie-Joseph, Catherine, la paix! Mets ta robe noire, on va à l'office, on doit bien ça, à cheval sur casse, c'est vrai ou moi? Les gens de Paris, ils le disent aussi, on a fait la paix! Est-ce que tu peux te lever? Maintenant, je vais remettre la salle en route! Tout va redevenir comme avant, je te promets, père récupérera son lit! Est-ce que tu peux marcher? Elle s'est trouvée mal, c'est la nouvelle! Elle y croyait pas que la paix finirait par venir! Père l'a toujours dit! On va rentrer tout de suite! Donnez-lui un schnapps! Non, ils sont déjà partis. Qu'est-ce qui se passe là-bas au camp? Ils se rassemblent! J'y vais! Je devrais pas mettre ma robe? Renseignez-vous d'abord soigneusement avant de vous manifester comme l'antéchrist. Je me réjouis de la paix, même si je suis ruiné. J'aurais donc fait passer au moins 2 des enfants à travers la guerre. Maintenant, je vais revoir mon Elif. Et qu'est-ce qui descend du campement, si c'est pas le cuisinier du grand capitaine? Qu'est-ce que je vois? L'aumônier! Courage, une visite! Bien dit que je reviendrai bavarder un peu dès que j'aurai le temps. J'ai pas oublié votre autre vie, madame Ferline. Si, je suis le cuisinier du grand capitaine après toutes ces années. Où est Elif, mon fils aîné? Il est pas encore là. Il est parti avant moi et il voulait aussi venir chez vous. Je vais mettre mon habit d'église, attendez. Alors, il va arriver d'une minute à l'autre. Cathy, Elif, arrive. Va chercher un verre d'eau de vie pour le cuisinier. Catherine, arrange par-dessus une mèche de cheveux, et ça ira. Monsieur Lamb n'est pas à l'étranger. Elle veut pas sortir, elle tient pas à la paix. Elle s'est fait attendre trop longtemps. Ils lui ont cogné sur l'œil. Ça se voit déjà presque plus, mais elle croit que les gens la reluquent. Oui. La guerre. Cuisinier, vous me voyez dans le malheur, je suis ruiné. Quoi? Oh ben, ça c'est pas de veine. La guerre m'a cassé les reins. Sur le conseil de l'aumônier, je viens encore d'acheter des fournitures. Et maintenant tout le monde va se disperser, et moi, je reste assis sur mes marchandises. Comment vous pouvez écouter l'aumônier? À l'époque, si j'avais eu le temps, mais les catholiques sont venus trop vite, je vous aurais mis en garde contre lui. C'est un charlatan! Bon, maintenant, c'est lui qui fait la loi chez vous. M'a lavé la vaisselle et aidé à tirer la carriole. Ah, lui, pour ce qui est de tirer! C'est un garçon qui n'est pas sérieux. Vous êtes sérieux, vous? C'est bien une chose que je suis, c'est sérieux. Santé. C'est rien, être sérieux, hein. Dieu merci, j'en ai eu qu'un, sérieux, jamais eu à trimer comme ça. En plus, il trouvait que mon harmonica, ça faisait pas chrétien. Je trouve que vous vous faites pas de réclame quand vous avouez que vous êtes sérieux. Vous avez toujours bec et ongles, mais c'est pour ça que je vous estime. Me dites pas maintenant que vous avez rêvé, les becs et ongles. Oui. Maintenant, on est là, il y a les cloches de la paix, et il y a votre eau de vie. Comme vous seul savez la servir, c'est bien connu. Pour l'heure, je tiens pas aux cloches de la paix. Je vois pas comment ils comptent payer la salle qui est en retard, et alors moi, qu'est-ce que je deviens? Avec mon eau de vie, bien connue. Est-ce que vous avez été payé? Pas exactement, non. C'est pour ça qu'on s'est dispersé dans ces conditions, je me suis dit, pourquoi rester? Entre-temps, je vais aller voir des amis. Et voilà comment je me retrouve en face de vous. Ce qui veut dire que vous n'avez rien. Mais ils pourraient vraiment arrêter avec leurs cloches! J'aimerais bien entrer dans un quelconque commerce de quelque chose. J'ai plus envie de leur faire le cuistot. Il faut que je leur mitonne quelque chose avec des racines et des semelles, et après, ils me jettent la soupe brûlante à la figure. Cuisinier de nos jours, c'est une vie de chien, mais vous faire du service militaire. Ouais, c'est vrai que maintenant, c'est la paix. Elle est encore bonne. Juste quelques trous de mie. Ouais, je ne vois pas pourquoi vous vous donnez tout ce mal. Vous ne serez quand même pas réengagé. Qui pourriez-vous exhorter à présent à gagner honnêtement sa solde et à risquer sa vie, hein? Puis j'ai encore un compte à régler avec vous. Parce que vous avez indiqué à cette dame d'acheter des marchandises inutiles en lui disant que la guerre allait durer éternellement. Quoi, c'est pour garde, je pourrais savoir. Parce que c'est déloyal, une chose comme ça. Comment vous pouvez intervenir dans la gestion des autres avec des conseils qu'on n'a pas demandé? Qui intervient? Je ne savais pas que vous étiez une amie si proche de ce monsieur. Et vous aviez les comptes à lui rendre. Vous énervez pas. Le cuisinier se contente de donner son opinion personnelle, et vous pouvez pas nier que votre guerre s'est ratée. Vous ne devriez pas pécher contre la paix, courage. Vous êtes une hyène des champs de bataille. Je suis quoi? Si vous offensez mon ami, c'est à moi que vous aurez la faim. Ne pas vous, je parle, vos intentions sont trop évidentes. Quand je ne veux pas prendre la paix entre le pouce et l'index comme un vieux mouchoir plein de morve, alors là, je m'indigne, humainement parlant. Parce que je vois que vous voulez pas la paix, mais la guerre. Parce que vous faites du profit. Seulement, n'oubliez pas le vieux proverbe. Qui veut déjeuner avec le diable, il lui faut une longue cuillère. Je tiens pas à la guerre. Et elle ne tient que trop peu à moi. En tout cas, la hyène, je l'admets pas. C'est bien fini entre nous. Mais alors pourquoi vous plaignez-vous de la paix quand tout le monde est soulagé? À cause de quelques vieilles nippes de votre carriole? Les marchandises ne sont pas de vieilles nippes. Au contraire, j'en vis. Et vous aussi, jusqu'à maintenant. Donc de la guerre! Comme adulte, vous auriez dû vous dire qu'on ne donne pas de conseils. Dans cette situation, vous n'avez maintenant rien de mieux à faire que de vous débarrasser en vitesse de certaines marchandises avant qu'elles prennent des gringoles. Allez-y, perdez pas une minute. C'est un conseil tout à fait raisonnable. Je crois que c'est ce que je vais faire. Parce que le cuisinier le dit! Non, vous l'avez pas dit, vous! Il a raison. Vaut mieux que j'aille au marché. Un point pour moi, aumônier! Vous manquez d'à propos. Vous auriez dû dire, moi, je vous aurais donné un conseil, j'ai tout au plus parlé politique. Vous ne devriez pas vous mesurer à moi. Un combat de coq, ça n'est pas convenable avec votre avis. Si vous fermez pas votre gueule, je vous assassine! Que ce soit convenable ou pas! Si pendant la guerre, vous n'étiez pas devenu à ce point une canaille sans foi, maintenant, pendant la paix, vous pourriez facilement ravoir un presbytère. Les cuisiniers, on n'en aura pas besoin, il n'y a rien à cuisiner. Mais on continue de croire. Là, il n'y a rien de changé. Monsieur Lambe, je me vois dans l'obligation de vous prier de ne pas prendre ma place ici. Depuis que je suis une canaille, je suis devenu un homme meilleur. Je ne pourrais plus prêcher. Bon là, vous autres, c'est chez Mère Courage? Tout juste. À qui avons-nous plaisir? À la colonel Starenberg, bonne gens. Où est Courage? La colonel Starenberg aimerait vous parler. J'arrive. C'est Yvette. Yvette. Juste pour voir comme ça va. Peter? Yvette. Ça alors? comment tu es arrivé ici? Mon chariot. Ah bon? Vous vous connaissez? Intimement? Je crois bien. Gras! Toi aussi, t'as fini d'être des plus minces. En tout cas, c'est bien de te rencontrer, canaille. Comme ça, je peux te dire ce que je pense de toi. Oh, et dites tout. Mais attendez que Courage soit sorti de la carriole. Yvette! Mais pourquoi es-tu en deuil? Ça me va pas? Mon mari, le colonel, est mort il y a un an ou deux. Le vieux qui était prêt d'acheter ma carriole? Son frère aîné. Ça va pas mal pour toi. Au moins une qui est arrivée à quelque chose pendant la guerre. Oh, il y a eu des hauts et des bas. Puis c'est sur un haut que la queue m'abandonne. Ce sont pas de mal des colonels. Ils font de l'argent comme on fait le foin. À votre place, je remettrai mes chaussures. Madame la colonelle, vous avez promis de dire ce que vous pensez de ce monsieur. Yvette, ne fais pas de grabuge ici. C'est un ami à moi, Yvette. C'est lui. Peter, la pipe. Laisse tomber ce surnom. Je m'appelle Lombe. Peter la pipe. Qui tournait la tête aux femmes. Dites, votre pipe, je l'ai gardée. Et fumée avec. Une chance que je puisse vous mettre en garde contre celui-là. C'est le pire qui est traîné tout le long de la côte de Flandre. Une à chaque doigt dont il faisait le malheur. Il y a longtemps de ça. Et puis, ça n'a jamais été vrai. Lève-toi quand une dame s'adresse à toi. Comme j'ai aimé cet homme-là. Mais en même temps, il était avec une petite noiraude aux jambes torses. Bien sûr, il a fait son malheur, elle aussi. En tout cas, j'ai plutôt fait ton bonheur, on dirait. Ferme-la, misérable ruine. Méfiez-vous de lui tout de même. Un type comme ça reste dangereux. Même en état de délabrement. Viens avec moi. Faut que je me débarrasse de mon fourbi avant que les prix tombent. Peut-être qu'avec tes relations, tu me seras utile au régiment. Catherine! Plus question d'église. Au lieu de ça, je vais en marcher. Si Elif arrive, donnez-lui à boire. Qu'un homme comme ça ait pu un jour me faire sortir du droit chemin. Si malgré ça, je suis devenu quelqu'un, je ne le dois qu'à ma bonne étoile. Un jour, là-haut, on me saura gré de t'avoir mis des bâtons dans les roues. Peter, la pipe. Permettez que je place notre conversation sous le signe de cette parole. Les moulins de Dieu broient lentement. Et vous vous plaignez de mon esprit. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas de chance. Je le dis tout net, j'espérais un repas chaud, je meurs de faim. Et voilà qu'on me discrédite et elle va se faire de moi une idée complètement fausse. Je crois que je vais déguerpir avant qu'elle revienne. Je le crois aussi. Aumônier, j'en ai de nouveau par-dessus la tête de la paix! L'humanité doit périr par le feu et par l'épée parce qu'elle est pécheresse depuis sa plus tendre enfance! Tu dois pouvoir encore rentrer pour le grand capitaine qui est Dieu sait où. Un chapon bien gras. Avec une sauce à la moutarde et quelques carottes. Ah non, non, du chou rouge. Avec un chapon, du chou rouge. C'est exact, mais lui ce qu'il voulait c'est des carottes. Ouais, il n'y entendait rien. Là, il avait toujours bouffé avec lui sans broncher. À contre-cœur. En tout cas, vous devez admettre que c'était encore le bon temps. Ça, je pourrais l'admettre. Maintenant que vous l'avez traité de hyène, vous avez fait votre temps ici. Autant. Halt! Elif! Qu'est-ce qui t'arrive? Où est la mère? En ville. On m'a dit qu'elle était ici. Ils m'ont permis de venir la voir encore une fois. Où le menez-vous? Pas à la noce. Qu'est-ce qu'elle a fabriqué? Il est entré par effraction chez un paysan. La femme est fichue. Comment as-tu pu faire ça? J'ai rien fait que ce que je faisais avant. Et pendant la paix! Ferme ta gueule! Je peux m'asseoir en attendant qu'elle arrive, non? On n'a pas le temps. Pendant la guerre, on l'a honoré pour ça. Il était assis à la droite du grand capitaine. Alors, c'était de la bravoure. On pourrait pas parler au prévôt. Ça ne sert à rien. Prendre son bétail à un paysan. Qu'est-ce qu'il y aurait de brave à ça? C'était une bêtise! Si j'avais été bête, Je serai mort de faim, culeur de mouche. Et comme t'as été malin, on va te faire sauter la tête. Il nous faut au moins aller chercher Catherine. Laisse-la où elle est. Donne-moi plutôt une gorgée de schnapps. Pas de temps pour ça. Viens. Qu'est-ce qu'il faut dire à ta mère? Dis-lui que c'était pas autre chose. Dis-lui que c'était la même chose. Ne lui dis rien. Je t'accompagne le long de ton dur chemin. J'ai pas besoin de prêtre. Ah, tu le sais pas encore. Non. Marche. Il faudra quand même que je lui dise. Elle voudra le voir encore une fois. Non, lui dis de rien. Seulement qu'il était là, qu'il va revenir. Peut-être demain. Entre-temps, je serai de retour et je pourrai la préparer. Voilà. Vous voulez pas sortir? Je comprends que vous vous soyez caché devant la paix. Moi aussi, j'aimerais bien. Je suis le cuisinier du grand capitaine. Vous vous souvenez de moi? Je me demandais si vous pourriez pas me donner un petit quelque chose à manger avant que votre mère revienne. J'aurais justement envie d'un morceau de lard. Ou bien même d'un morceau de pain, hein, rien que pour passer le temps. Elle a la tête sous les couvertures. Cuisinier! La paix! C'est de nouveau terminé! 3 jours déjà, c'est de nouveau la guerre. Quand je l'ai appris, je m'étais pas encore débarrassé de mon fourbi. Dieu merci. En ville, ils se tirent dessus avec les luthériens. Faut qu'on parte tout de suite avec la carriole. Catherine, en balle! Pourquoi faites-vous cette tête-là? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Si, il se passe quelque chose, j'ai qu'à vous regarder. Probable que c'est parce que c'est de nouveau la guerre. Maintenant, ça durera bien jusqu'à demain soir, jusqu'à ce que je retrouve quelque chose de chaud à me mettre dans l'estomac. C'est des menteries, cuisinier. Elif était là. Oh. Il a dû repartir tout de suite. Il était là. Bah, on se verra en route. Maintenant, je m'en vais avec les nôtres. Comment est-il? Comme toujours. Celui-là, il changera jamais. La guerre a pas pu me le prendre. Lui, il est malin. Vous m'aidez à emballer? Il a raconté quelque chose? Il est bien avec le capitaine? Il a dit quelque chose de ses exploits? Est-ce qu'on m'a dit? Il en aurait encore fait un. Vous me raconterez ça plus tard. Maintenant, faut qu'on parte, Catherine. La paix, c'est de nouveau fini, hein. On continue. Qu'est-ce que vous faites? Je vais m'enrôler. Où est l'aumônier? En ville, avec le livre. Alors, faites un bout de chemin avec nous, Lampe. J'ai besoin d'aide. L'histoire d'hiver. Elle vous a pas fait tort, à mes yeux. Au contraire, on dit que... Là où il y a de la fumée, il y a du feu. Alors, vous venez avec nous. Je dis pas non. Le deuxième a déjà levé le camp. Mettez-vous au dessus. Là, un morceau de pain. Faut qu'on aille par derrière, vers les luthériens. Peut-être que je verrai Elif dès cette nuit. C'est mon préféré. Elle a été courte, la paix. Et voilà, la paix continue. Voilà 16 ans que dure la grande guerre de religion. L'Allemagne y a perdu plus de la moitié de ses habitants. De gigantesques épidémies tuent ceux que les carnages ont épargnés. La faim sévit. À l'automne 1634, on rencontre Courage dans les monts Fichtel, en Bavière, où se déplacent les armées suédoises. Cette année-là, l'hiver a été précoce et il est sévère. Devant un presbytère à moitié détruit, matin gris d'un hiver précoce, bourrasque. Tout est sombre, personne n'est encore levé! Mais c'est un presbytère! Il faut faire sonner les cloches! Il faut qu'il sorte des plumes! Alors il a une soupe chaude! Et d'où elle vient? Quand tout le village est carbonisé, comme on l'a vu! Il s'est habité! Un chien a aboyé tout à l'heure! Si le curé a de quoi, il donnera rien! Peut-être que... Si on chantait... Oh, non, jusque-là. J'ai une lettre d'Utrecht. Ma mère est morte du choléra et maintenant l'auberge m'appartient. Voilà la lettre, si tu ne crois pas. Même si ça ne te regarde pas ce que ma tante tartine sur ma vie, je te la montre. Moi aussi, je suis fatiguée de traîner sur les routes. Je me fais l'effet d'un chien de boucher qui tire la viande pour les clients et qui m'envoie jamais rien. J'ai plus rien à vendre. Et pour payer ce rien, les gens n'ont rien. En Saxe, un type en guenille a voulu me refiler une toise de reliure de parchemin contre deux œufs. Et dans le Furtimbert, qui m'aurait cédé leur charrue contre un petit sac de sel. À quoi bon labourer, plus rien ne pousse, sauf des buissons d'épines. En Poméranie, les villageois auraient déjà mangé les plus jeunes enfants. Et on a surpris des bonnes sœurs qui se livraient à des coups de main. Le monde agonise ! Parfois, je me vois déjà traverser l'enfer avec ma carriole pour y vendre de la poix. Ou le ciel, pour y proposer des viatiques aux âmes errantes. Si, avec les enfants qui me sont restés, je trouvais un endroit où ça ne tiraillerait pas, je voudrais bien avoir encore quelques années tranquilles. On pourrait ouvrir l'auberge. Pense-y, Anna, je me suis décidé cette nuit. Je retourne à Utrecht avec ou sans toi, et dès aujourd'hui. Faut que je parle à Catherine. Ça arrive un peu vite. Et j'aime pas me décider dans le froid et avec rien dans l'estomac. Catherine! Catherine! Faut que je te dise quelque chose. Le cuisinier et moi, on veut aller à Utrecht. Là-bas, il a hérité d'une auberge. Comme ça, t'aurais un point fixe et tu pourrais faire des connaissances. Il y en a plus d'un qui apprécierait une personne posée. Le physique est pas tout. Hein. Moi aussi, je serais pour. Je m'entends bien avec le cuisinier. Je dois dire à son avantage qu'il est fait pour les affaires. On aurait la nourriture assurée. Ça serait bien, non? Et toi, t'aurais ton lit. Ça te va? Sur les routes, à la longue, c'est pas une vie. Tu risquerais de mal tourner. T'es déjà pleine de poux. Il faut qu'on se décide. Pourquoi? Parce que on pourrait partir avec les Suédois vers le nord. Ils doivent être là-bas, en face. Je pense qu'on va se décider, Catherine. Anna, je voudrais te dire un mot en particulier. Je t'ai interrompu parce que je vois qu'il y a erreur de ta part. Je pensais que j'aurais pas à le dire nettement parce que c'était clair, mais comme ça l'est pas, il faut bien que je te le dise. Il n'est pas question que tu l'emmènes. J'espère que tu me comprends. Tu veux dire que je dois laisser Catherine? Qu'est-ce que tu t'imagines? Il n'y a pas de place dans l'auberge. C'en est pas une avec trois salles. Si nous deux, on se coupe en quatre, on pourra y trouver de quoi vivre, mais pas à trois, c'est exclu. Catherine peut garder la carriole. Je me suis dit qu'à Étrèche, je pourrais trouver un mari. Laisse-moi rire. Comment qu'elle trouvera un mari? Muette et défigurée en plus. Et à cet âge-là... Pas si fort! Pas fort! Les choses sont comme elles sont. Et c'est une raison de plus qui fait que je peux pas l'avoir à l'auberge. Les clients, ils veulent pas toujours une chose comme ça sous les yeux. Tu peux pas leur en vouloir. Ferme-la! Je t'ai dit de pas parler si fort! Il y a de la lumière. Au presbytère, on peut chanter. Comment elle pourrait voyager toute seule avec une carriole? Elle a peur de la guerre. La nuit, je l'entends gémir, surtout après les batailles. Ce qu'elle voit alors dans ses rêves, je sais pas. Elle est malade de pitié. Il n'y a pas longtemps, j'ai encore trouvé, caché près d'elle, un hérisson que nous avions écrasé. L'auberge est trop petite! Chers messieurs, serviteurs et habitants de la maison, nous allons vous interpréter la chanson de Salomon, Socrate et autres grands esprits, à qui ça n'a servi de rien. Pour que vous voyez que nous aussi nous sommes d'honnêtes gens et que c'est donc pas facile pour nous de s'en tirer, surtout en hiver. Prenez le sage Salomon, il eut gloire et puissance. On loue fort son équité, or il n'a vu dans l'existence qu'un vain tissu de cette belle chanson. Mieux vaudrait pas en avoir et avoir une fille agréable et de quoi manger le matin, disons une soupe chaude. Moi, par exemple, j'en aime pas et j'en voudrais bien une. Je suis un soldat, mais à quoi elle m'a servi ma bravoure dans toutes ces batailles? À rien. Je meurs de faim. Et j'aurais mieux fait de rester un foireux et chez moi. Pourquoi? Rien ne m'aime pas moi. Chers messieurs, serviteurs et habitants de la maison, peut-être direz-vous oui. La vaillance n'est pas ce qui nourrit son homme. Essayez donc l'honnêteté. Alors peut-être serez-vous rassasié, ou du moins, ne resterez-vous pas complètement à jeun? Qu'en est-il? Prenez le bon, l'honnête Socrate, qui ne mentait jamais. Sa vérité fut mal reçue. Les méchants magistrats le condamnèrent à boire un brouet de cire. Qui fut honnête ce bon Socrate, c'est bien avant la fin du jour. Ceux qui ont partager ce qu'on a, mais quand on n'a rien. Car peut-être les bienfaiteurs non plus l'ont pas belle, c'est bien possible. Seulement, on a quand même besoin de quoi. Et le désintéressement est une vertu rare, parce qu'il rapporte pas. Le bon Samaritain, comme on sait, plaignait les miséreux. Il vit un pauvre grelottant, il fendit son grand manteau sur le champ, et ils sont morts tous deux. Charitable, c'est très bien avant la fin du jour. On avait vu les suites, la charité lui jouait de mort retour. En vie et ceux qui ont. C'est pareil pour nous. Nous sommes d'honnêtes gens. Nous nous serrons les coudes. Nous ne volons pas. Nous n'assassinons pas. Nous ne mettons pas le feu. Et comme ça, on peut dire que nous nous enfonçons toujours plus. Et cette chanson, c'est nous qui la justifions. Et la soupe se fait rare. Et si on était autre chose, des voleurs ou des assassins, peut-être que nous serions rassasiés. Car les vertus ne payent pas juste les méchancetés. Le monde est comme ça. Il ne devrait pas être comme ça. Venez, vous pourrez avoir une soupe. Je dis pas que ce que tu dis est pas raisonnable, mais est-ce que c'est ton dernier mot? On s'entendait bien. Mon dernier, réfléchis. Pas besoin de réfléchir, je la laisse pas ici. Ce serait vraiment pas raisonnable, mais je pourrais m'y changer. Je suis pas un monstre, seulement cette auberge, c'en est une petite. Maintenant faut qu'on y aille, sinon ici non plus, on aura rien à faire et on aura chanté pour rien dans le froid. Je vais chercher Catherine. Au mieux que là-bas, tu mettes dans ta poche quelque chose pour elle. Si on se ramène à trois, ils vont avoir peur. Si j'avais vu ça, et si t'avais été parti. Crois pas que je dois envoyer promener. À cause de toi, c'est à cause de la carriole. Je vais quand même pas me séparer de la carriole. J'y suis habitué. Pas du tout à cause de toi. C'est à cause de la carriole. On va prendre l'autre direction et le fourbi du cuisinier, on le pose là. Qu'il le trouve, cet imbécile. Bon, oh, celui-là, il a fini de s'occuper de nos affaires. Hein. Et plus jamais un autre, il mettra son nez. Maintenant, on va continuer, toutes les deux. Cet hiver aussi va passer, comme les autres. Attelle-toi à la carriole, il pourrait se mettre à neiger. Il est une rose au milieu de mon jardin. Durant toute l'année 1635, Mère Courage et sa fille Catherine sillonnent les routes de l'Allemagne du centre à la suite d'armées de plus en plus déguenillées. Janvier 1636. Les troupes impériales menacent la ville protestante de Halle. Les pierres se mettent à parler. Mère Courage perd sa fille et continue seule. La guerre est loin d'être terminée. Je ne veux pas de bruit. Celui qui crie, embrochez-le. Et si on veut avoir un guide, il faut frapper à la porte pour les sortir du lit. Frapper à la porte, ça n'est pas un bruit anormal. Ça peut être une vache qui se cogne au mur de l'état. Ce sont des ambulants, une cantinière. Je vous invite à vous tenir tranquille. Sans quoi, au moindre bruit, ce sera la bite dans les tripes. Et j'ai besoin de quelqu'un pour nous montrer le chemin qui mène à la ville. Toi, arrive. Je connais pas de chemin. Il connaît pas de chemin. Je sers pas les catholiques. Donne-lui la bite dans les côtes. Je le ferai pas. Je le ferai pas! Je sais ce qui le rendra malin! Deux vaches! Et un bœuf! Tu vas voir! Si tu veux pas comprendre, je massacre le bétail! Pas le bétail! Monsieur le capitaine, épargnez notre bétail ou on mourrait de faim! S'il s'obstine, fichu le bétail! Je commence par le bœuf! Faut que je fasse! Je fais! Et merci beaucoup, monsieur le capitaine, de nous avoir épargnés dans les siècles des siècles. Amen. Je ne l'ai pas su tout de suite qu'il tenait au bœuf par-dessus tout. Je me demande bien ce qu'il compte faire. Rien de bon. C'est peut-être seulement des éclaireurs. Qu'est-ce que tu vas faire? Voir s'ils sont tout seuls. Oh, ça bouge dans le petit bois. Je vois quelque chose en bas de la clairière. Ce sont des cuirassiers et un canon. Ça fait plus qu'un régiment. Que Dieu ait pitié de la ville et de tous ceux qui y sont. Il n'y a qu'une lumière dans la ville. Rien, ça dort là-bas maintenant. S'ils y entrent, ils vont tous saigner à blanc. La sentinelle va le voir à temps. La sentinelle de la tour en haut du talus. Ils ont dû la massacrer sans ça. Elle aurait donné de l'alarme. Si on était plus nombreux. Ici, en haut, tout seul, avec l'infirme. On peut rien faire, tu crois? Rien, rien. On peut pas courir en bas dans la nuit. Il y en a plein, tout le long du talus. On peut même pas lancer un signal. Pour qu'ils nous égorgent, ici, en haut. On peut rien faire. Oui. Pauvre bête. Oui. On peut rien faire contre l'effusion de sang. Puisque tu ne peux pas parler, tu peux au moins prier. Lui t'entend. Si personne t'entend, je vais t'aider. Notre Père qui est aux cieux, Écoute notre prière. Ne laisse pas la ville périr avec tous ceux qui y sont et qui font un somme et qui se doutent de rien. Réveille-les pour qu'ils se lèvent et aillent sur les murs et voient comment descendant le talus et traversant les prés, ils viennent sur eux dans la nuit avec des piques et des canons. Protège notre mère et fais que la sentinelle ne dorme pas, mais qu'elle se réveille. Sans ça, il sera trop tard. Et assiste notre beau-frère. Il y est avec ses 4 enfants. Ne les laisse pas périr. Ils sont innocents. Ils sont au courant de rien. Il y en a un qui a moins de 2 ans. L'aîné en a 7. Notre père, écoute-nous, car toi seul tu peux aider. On risque de succomber. Pourquoi? Parce qu'on est faible et qu'on n'a pas de pique et rien et qu'on ne peut pas se risquer et qu'on est entre tes mains avec le bétail et toute la ferme. Et c'est comme ça aussi pour la ville. Elle est entre tes mains et l'ennemi est devant les murs avec toutes ses forces. Pense aux enfants qui sont en danger. Les plus petits surtout. Aux vieillards. Qui peuvent pas bouger. Et à toute créature. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Elle a perdu la raison. Fais-la descendre vite. Elle va faire notre malheur. Arrête tout de suite. Débarque du tambour. Attirez les impériaux sur nous. Cette chambre est des pieds. N'allons pas vite. T'as pas de cœur. T'es fichu. De ne pas laisser rentrer cette racaille à la ferme. Qu'est-ce que ça lui fait si on tue notre bétail? Je te coupe un morceau! Monsieur l'officier, on est innocent, on n'y peut rien. Elle s'est faufilée là-haut, une étrangère. Où est le seul? Elle est là-haut! Je m'ordonne de jeter ce tambour! Vous êtes tous complices! Vous n'y survivrez pas! On va chercher un tronc pour la déloger. Ils ont abattu des pins dans la forêt. Je demande la permission de faire une proposition. Je fais une proposition pour ton bien. Descends, viens avec nous à la ville tout de suite. Tu nous montres ta mère et elle sera épargnée. Elle ne te fait pas confiance! Maintenant, avec ta gueule! Et je te donne ma parole! Je suis officier! Et j'ai une parole d'honneur! Monsieur l'officier! C'est pas seulement à cause de sa mère! Mais je voudrais que ça dure longtemps! Ils vont l'entendre en ville! Il faut qu'on fasse du bruit! Avec quelque chose qui soit plus fort que son tambour! Avec toi, on peut faire du bruit. Mais on ne doit pas faire de bruit. Ils ne font l'air de rien, imbécile. Ils ne sont pas guerriers. Mais je pourrais fendre du bois. C'est ça. Cogne. Elle s'arrêtera. Elles n'ont rien d'autre que cette carriole. Mets-la en morceaux. Si tu ne t'arrêtes pas, on met ta carriole en morceaux. Arrête, animal. Qu'est-ce qu'ils foutent, ces salopards? En ville, ils n'ont pas entendu, sans ça on entendrait leur artillerie. Ils ne t'entendent pas du tout. Et maintenant, on va te descendre. Pour la dernière fois, jette en vous. Stop! Sinon ils sont tous foutus. Seul. Tête qui est dehors. Dors mon amour, fais dodo mon trésor. On crie chez la voisine, chez nous, on câline. Tous traînent dans la fange, tu vas dans la soie. Dans la robe d'un ange, retaillée pour toi. Dors, mon amour. Fais dodo, mon trésor. Là repose en Pologne et l'autre, je ne sais où. Si vous n'étiez pas allé en ville, faire une bonne affaire, ça ne serait pas arrivé. Maintenant, elle dort. Elle dort pas. Faut vous faire une raison. Elle a passé. Et vous, il est grand temps que vous partiez. Il y a les loups. Et ce qui est pire, les maraudeurs. Oui. Vous n'avez personne d'autre. Où vous pourriez aller? Si. Quelqu'un. Allez. Il faut le trouver. On va s'occuper de celle-là, qu'elle soit enterrée convenablement. Vous pouvez être tout à fait tranquille. Voilà de l'argent. Pour les frais. Dépêchez-vous. pourvu que j'arrive à tirer la carriole toute seule. Halt! Ça devrait aller. Il n'y a pas grand-chose dedans. Faut que je me remette au commerce.